Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. On avait nos amis David Ferron, Sylvain Landry, Justine Renaud, Violette Mire et Marie-Laurence Audette. Sans oublier nos chroniques maison, donc Kiki Sexy Time. Sortez vos petites pelles, l'Assemblage Rocky commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky à la plage pour la semaine du 3 juillet 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Hey, m'éteins pas! Oh, j'arrive! C'est moi qui cours au ralenti. C'est correct, Mathieu, je faisais du tuba. Du comment? Je plongeais, je faisais de la plongée. Ah, ok. C'est normal. Ah, je vais sortir mes gros faux seins. Ou mais qu'est-ce qu'il y a de David Hasselhoff de remarquable à part les muscles, mettons? Des couilles qui dépassent de son maillot. Des couilles qui dépassent de son maillot. J'ai sorti mes fausses couilles qui dépassent de mon maillot. Non! Mais j'essaie de te dire que je m'appelais Jean-Philippe Charbonneau à travers mon tuba. Ah, ça okay. Marche pas. Donc, bienvenue à l'émission. Bienvenue pour une autre belle semaine à Assemblage Rocky à la plage. Stéphanie Paradis s'en vient plus tard dans l'émission, dans environ une heure. Peut-être même un petit peu moins ce coup-ci. Alors, on va l'avoir plus de bonheur que d'habitude. On va profiter d'elle tout le long. Ouais, comme ouais. D'habitude. Sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui aussi? On a David Ferron qui va être là pour présenter son artiste coup de cœur du moment dans la langue dans ton oreille. Bonjour, David. Bonjour. J'ai encore une mouette qui s'est exprimée sur moi. Ah, ben, c'est un point d'exclamation. On voit ça de même. C'est comme un point, mais comme très... Oui, qui s'étend de partout sur mon corps. Très collant. Elle s'exprime un peu trop, la mouette, je trouve. C'est comme dans le temps à la station de télé ici. Ah oui. Il y avait une émission qui s'appelait Le Point. C'était une crotte de mouette. Pareil. Une crotte de mouette. Wow. Ici le point. Mais en fait, ça, je vais vous présenter la chanteuse française Guy Dré, qui est un mélange de Mike Ward, de Carla Bruni et de Carmen Campagne. Ah, OK. Ça va être bien. Eh bien, je dirais bien que j'ai hâte d'entendre ça, mais je suis pas sûr. Ah, je sais pas. C'est difficile à dire. Vous avez hâte, vous trépignez d'impatience, je vous vois. Ça va s'appeler Mike Broccoli. Mike Ward. Pas pire. Justine Renaud va être là pour une chronique. Justine procrastine sur Peter. Aujourd'hui, on l'adore, ce Peter, et on adore Justine. Véronique Mire va nous renseigner, comme toujours, sur plein de choses de Z à A. Dans l'ordre, on est rendu à la lettre V. Oh! Comme VTD. Ou Véronique Mire. Oui. Oui, tout à fait. Je fais des liens comme ça, moi. C'est de la rapide. La moi, je suis un gars rapide. T'es vite, sa gâchette. C'est vite. Tac. OK. Vraiment bonne. Ben, vraiment. Non. Vraiment. Ouais. Incroyable. Pour vivement l'été. Shut up. Pour débuter l'émission, participation spéciale de Marie-Laurence Audet du Laboratoire en loisirs et vie communautaire. C'est bien ça? Je l'ai dit comme faux, là. Hein? Sauf qu'aujourd'hui, je les représente pas pantoute. Bon, je fais l'émission spéciale. Là, j'ai pour une appris fois, le nom. Ça fait comme 3 mois que j'essaie d'apprendre le nom. Tu me viens? Non, c'est pas pour ça. Bon, c'est à qui, là? Je peux te donner un nouveau défi. OK, vas-y, d'abord. J'aime ça. Moi, je suis prêt à tout. Non? Moi, y penser. OK. J'espère que ce sera pas liché le plancher comme au carnaval. Oh, ouais. Dans la rénovation. Oh, oui, vas-y. Ça va être... Tu vas avoir des écharpes dans l'angle. Poussiéreux, etc. Oui. Ça va peut-être faire du ciment. Ah, oh, peut-être. Peut-être que je vais arrêter de parler. Non. Ou peut-être que ta langue va comme vraiment pendre, tu sais, comme à cause du bloc, la lourdeur du ciment. Après la langue dans ton oreille, la langue dans un bloc de béton. Oui. Hein, David? Oui. Bon. Je suis cloué. Non, la langue dans le béton. Cloué dans le béton? Oui. Ah, okay. Ça se peut. Mmh. Je savais qu'on pouvait visser. Je savais qu'on pouvait clouer dans le béton. Moi, ça me scie à terre. Une scie à terre, comme dans littéralement une scie main poursier de la terre. Ouais, c'est ça. Une scie à terre. Alors voilà, c'est l'émission d'aujourd'hui. On a 4 heures à passer ensemble. Donc, si vous aimez pas ce que vous vivez là, ben, tout bad. Il y en a comme plein d'autres. Ouais, mais ça serait dommage parce qu'on a 2 paires de billets à faire tirer pour le Rockfest. Mais ça sera plus tard. Ok, c'est pas tout de suite. Parfait, on va voir ça plus tard. Plein d'autres choses, des chroniques maison, entre autres, King Sexy Time et Sex, ça devrait répondre là. Je sais que Stéphanie veut amener quelque chose de nouveau dans l'émission. On va faire ça une fois qu'elle va être arrivée. Donc, on vous dit pas ce que c'est tout de suite. Ah, de toute façon, je ne sais pas. Ben, ça tombe. Faudrait qu'on en parle avant. Ouais. Mais ouais. On va commencer avec une seule pièce pour l'instant. D'habitude, on écoute les nouvelles entrées tout ensemble, mais comme on a Marie-Laurence avec nous, on va couper ça en deux. Donc, commençons par la 20e position du côté anglophone. Donc, on y va avec une nouvelle entrée. Comme tu as dit, c'est le groupe Phoenix avec la chanson Entertainment. Oh! Est-ce qu'on va en Asie, peut-être, pour entendre le début de ça, tu penses? Ah, peut-être. Juste comme... Deux combos, quatre. OK. Je voulais pas être raciste, mais je vais te laisser faire. OK, c'est bon. Sois raciste, ça va. C'était la 20e position, nouvelle entrée du côté anglophone. Donc, Phoenix avec Entertainment. Oui! On aura deux autres nouvelles pièces du côté anglophone à entendre tantôt, mais avant ça, en participation spéciale en live, ici même du spacieux C'est fou studio. Woohoo! Studio number one out of one. C'est Marie-Laurence Audet, bonjour! Bonjour! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, on reconnaît ta voix pour ta chronique que t'as fait, quoi? Deux fois, je pense, l'année passée. Oui. T'es chronique du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Par contre, tu travailles encore là. Oui, oui. Mais c'est pas pour eux que tu viens nous voir en tant que ta propre personne. Oui, je fais une chronique spéciale aujourd'hui, donc une chronique extra concernant l'été. Parce que dans le fond, à l'été, on se demande souvent... L'été blanc, l'été noir, l'été tout, vert, tout. Là, puis tout. Non, c'est pas ce genre de thé-là. Non. Ah. Un autre sorte de thé. OK. Comme l'été. Tu sais, c'est comme hier. L'été hier. L'été hier! L'été de demain. On a du fun en studio. Oh, mais pas assez, pas dans le studio 1. Ah, j'adore ça. De 1. Ben oui. Mais vraiment, on devrait l'écrire sur la porte. Studio 1 de studio 1. 1. Ouais. Okay. Donc, okay. Sur cette donc. Belle blague de Mathieu Plante. Merci. Non, mais souvent l'été, on se demande quelle activité pratiquer, puis on est porté à aller super loin. Ouais. Mais pourtant, à côté de chez nous, on a 1 million de choses qu'on peut pratiquer, faire et autres. Comme on dit, en Mauricie. En Mauricie, exactement. Ici. Moi, je vais vous présenter les activités estivales en Mauricie. Donc, j'ai fait quelques recherches, puis je vous présente des coups de cœur. Vous n'êtes pas obligé de les faire, là, mais en tout cas... Mais c'est conseillé. C'est conseillé. C'est ton coup de cœur. Oui. Exact. Alors, premièrement, je vais vous parler du parc de l'île Melville. C'est situé à Shawinigan, parce que je parle de différents secteurs en Mauricie. Oui. Le premier, c'est à Shawinigan. Donc, c'est un très, très grand territoire qui est boisé sur la majorité de sa superficie, puis qui est composé de 2 îles. Donc, on a l'île Melville puis l'île Banane. Et oui, on a une île Banane à Shawinigan. Faut dire à Steph. Oui, elle va triper bien la triple là-dessus. On va dire ça à Steph tantôt. C'est plein de potassium si tu lèches le sol. Exactement. Puis, il y a une forêt, il y a des montagnes et tout. Puis, en plein cœur de la ville de Shawinigan, on a la rivière Saint-Maurice qui borde le tour de l'île. Et il y a différentes activités qu'on peut faire sur l'île. Donc, c'est certain que les activités récréotouristiques qui ont été développées respectent la priorité qui était de préserver et de mettre en valeur les ressources naturelles. Donc, sur l'île, on a arbre en arbre, on a la location d'embarcation nautique, on peut faire du vélo, on a la randonnée en forêt, etc., etc. Puis, tant qu'à parler d'arbre en arbre qui est situé sur l'île Melville, j'aimerais vous présenter les nouveaux parcours de cette année. Donc, cette année, on a 4 types de parcours. On a le grand parcours, le parcours des jeunes aventuriers, les petits écureuils, le parcours des grandes tyroliennes. Donc, on va-tu le faire en nombre? Ça serait pas possible. Wouhou! Donc, les grandes tyroliennes, comme la majorité connaissent, c'est un grand fil de 1 demi-kilomètre. Mm-hmm. Puis vous le descendez en criant de toutes vos forces, tel un Georges la Jungle. Ou un Tarzan, oui. Tarzan, Georges la Jungle, puis tout. Mais habillé. Oh! Ça reste une activité familiale. Ça dépend. C'est pas marqué obligatoire. C'est pas marqué. Si c'est pas marqué, on peut le faire. On peut le faire. Voilà. À part la grande tyrolienne, on a dit qu'il y avait les petits écureuils cette année. Donc, c'est un forfait qui est pour les plus jeunes qui veulent faire comme les grands. Donc, c'est un parcours adapté qui est plus bas, proche du sol. Comme ça, moins peur des hauteurs, moins peur des blessures. Un parcours miniature. OK, c'est pas comme les écureuils volants où tu fais juste pitcher un enfant en bas de la montagne, t'espères qu'il se rende jusqu'en bas. Cette formule-là est pas à Shawinigan. Ah, okay. Donc, tout le long du parcours, on a des activités de filet, de course, de saut et autres. Donc, moi, je vous le suggère, c'est un beau défi. Est-ce que tu l'as déjà fait, celui-là? J'ai pas fait celui-là. Parce que je sais que tu es allé en faire. Je suis allée au Saguenay dernièrement, au Cap Jaseux, faire le plus grand arbre en arbre en Amérique du Nord. Le parcours extrême, c'est assez fou. Moi, je vous le dis, là, si vous êtes un amateur d'arbre en arbre, vous devez le faire au moins une fois dans votre vie. Ben, au moins avant que ça ferme. Oh. Ça va fermer? Non, mais. Au cas où. J'avertis quand on même. Sait jamais. C'est bon de vivre sa vie comme ça, tu sais. Ouais. Profiter de chaque commerce de Trois-Rivières avant qu'il ferme. Pour que les autres, c'est littéralement, ils vont fermer dans 6 mois. Ben. Allez-y tout de suite. Sinon, autre chose, on sort de Shawinigan, on sort de Trois-Rivières, mais on reste toujours en Mauricie. On a une exposition de voitures sport et antiques. C'est situé à Latuc, puis il va y avoir plus de 250 exposants le 3 et 4 août prochain. Donc, vous allez pouvoir rencontrer les exposants, voir les différentes voitures. C'est un de leurs festivals de la place. Okay. Donc, Latuc, voiture de sport et antique. Voir Michel Barrette, j'imagine, sûrement? Il est tout le temps là, lui. Probable. Probablement. Alors, Michel? Mike! Ouais, comment ça va, Mike? Mike nous confirme sa présence. Sinon, on a une nouveauté qui est super intéressante et qui est située à Trois-Rivières même. Donc, on a le complexe récréotouristique Camping H2O. On a maintenant à Trois-Rivières une piscine à vagues chauffée. Hein? Puis en plus, ce que ça disait, c'est que, attendez, c'était la plus grosse piscine à vagues au Québec. Moi, j'aimerais bien voir ça. Tu doutes? Non, mais tu sais, c'est parce qu'à chaque fois, il me semble que dans chaque publicité de piscine à vagues, ils disent ça. Fait que faut aller tester. Piscine à vagues de Trois-Rivières, qui est située à Trois-Rivières. Donc, piscine à vagues, glissade d'eau, camping 3 services. Oh oui, 3 services. Je pensais à dire trop de camping 3X. Wow! Yes! Enfin! Ben, tu finis la phrase comme tu veux, mais moi, c'était marqué 3. 3 services, ça peut être ce que tu veux. Puis, il y a aussi 3 pistes de karting sur le site. OK. Wow. Exactement. Super, ça. Sinon, un qui est plus connu, je vous apprendrai. Ben, en fait, c'est pas tout le monde qui connaît, alors je vais le présenter quand même. Oui. Borealis, oui. Qui est le centre d'histoire de l'industrie papetière, qui lui aussi est situé à Trois-Rivières. Donc, eux, ils abordent la thématique de la rivière Saint-Maurice, de la forêt, la Drave, les bûcherons, toute l'histoire de l'industrie papetière. Puis, c'est l'ancien lieu de travail qui est maintenant transformé en musée. Puis, ils ont parti une nouveauté, qui est qu'à la lumière d'une lampe de poche, on peut aller dans les sous-sols du terrain puis découvrir différents aspects historiques de Borealis. Donc là, on a des lumières fluorescentes, puis on découvre des archives, on découvre des choses écrites sur les murs. C'est super avec intéressant. Avec le sang des employés du temps. Donc, ben, employés. Jour 470 de suite, qui sans congé. Qui reste des employés. Sinon, on a encore une fois à Shawinigan, le centre hippique Saint-Georges. Pas hippie, là. Pas hipster, là. Hippique. Est-ce que ça pas, dit? C'est quoi l'autre... épique, les chevaux, je pense, hein? Ben, c'est ça, là. C'est dans la même lignée, okay, là. OK, je viens de comprendre. C'est hippique comme dans l'hippodrome pis tout, là. OK. Fait que vous pouvez aller faire des balades en chevaux. Et pour les jeunes enfants, il y a des poneys qui sont disponibles. Oh. Donc, si vous voulez faire des tours de poneys, pas juste les enfants, là, c'est ouvert à tout le monde aussi, à Shawinigan, tu peux découvrir la région, les différents sentiers, faire une petite balade. Les poneys vous attendent. Autre chose, parce que je suis en feu, là, j'ai une grosse liste à vous présenter. Wow. On a des croisières sur la Cité de l'énergie. Donc, ils disent vous allez être confortablement installé sur le ponton et vous allez pouvoir vous faire bercer par les flots du Saint-Maurice. Le capitaine qui est en place va vous faire part le des capitaine. Différents... Le capitaine! Son épouse! Non, c'est pas l'épouse du capitaine, c'est l'épouse du milliardaire. C'est vrai. C'est du millionnaire. Millionnaire. Je sais pas, de toute façon, l'argent a pris de la valeur depuis. Non, je pense que l'argent n'a pas de valeur pour moi. Ben, ça aussi. Là. D'accord. Je suis bénévole. Heureusement qu'il y a mercredi, hein. C'est pas mercredi, ça, c'est dans Robinson Sucroué. Sucroué, oui. C'est la deuxième fois que tu te trompes. Je pense qu'il y a comme un pattern dans... C'est pas grave, on n'est pas là la première fois. C'est ça. Donc, comme je disais, il y a un capitaine. Oui, oui, capitaine qui va être dans le petit ponton quand vous allez être installé, qui va vous conter le récit de l'histoire du Saint-Maurice, qui va vous raconter des belles petites histoires. Donc, ça, c'est ouvert... en fait, c'est ouvert du... Y a-t-il une date? Non. Fait que c'est ouvert tant qu'il fait beau. Puis, les parcours sont de 1h15. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Même moment, même distance qu'aller à Montréal. C'est comme le ponton ou Montréal. Ouais, un petit film léger, une comédie romantique à l'hollywoodienne. Mais non, on a Capitaine. Capitaine! Mais c'est comme écouter un film romantique avec deux personnes puis un ami. Parce qu'il y a le capitaine. Mais ça peut être romantique, ça aussi. Les couples sont pas tous pareils. Ouais, mais c'était... En tout cas, Capitaine et moi... Capitaine, moi, j'ai autre chose à vous présenter qu'un Capitaine. Fiji, à tribord. On a aussi l'embuscade paintball qui est située à Saint-Tite, donc qui est quand même proche. Puis le paintball, comme la majorité connaît ça, on a les fusils, on va tirer... Pas dangereux, là. Mais non! On va tirer des balles de couleur sur nos ennemis. On peut y aller entre amis, en famille, entre collègues. C'est une très belle activité. Donc, ils vous attendent à Saint-Tite. C'est ouvert 7 jours sur 7 sous réservation. Donc, voilà pour cette activité. Sinon, on a le Comic-Core de Trois-Rivières qui a lieu à Trois-Rivières même, qui autrefois s'appelait le Mondial des amuseurs publics. Mmh. Donc, cet événement-là en est à sa 22e édition. Puis c'est de profiter, dans le fond, du festival qui est porté sur le rire et les délires sous toutes ses formes. C'est quoi le nouveau nom? C'est le Comic-Core. Comic-Core. Comme de l'art. Ah, Comic-Core et non pas comme Comic-Core, comme un corps. Non, non, pas comme un corps, okay. Comme de l'art. D'accord. T'es comique, puis il y a de l'art. Donc, eux, ils présentent le rire et le délire sous toutes ses formes. On va avoir l'univers de la bande dessinée, caricatures, séances d'autographe. Vous allez rire, vous allez avoir du plaisir en famille, entre amis. 22e édition cette année à Trois-Rivières. Donc, ça, c'est du 20, ben, les 20 et 21 juillet prochains. Mm-hmm. J'ai-tu le temps d'en présenter encore quelques-uns? Vas-y, j'ai tout mon temps. Parfait. Donc, on a aussi l'exposition agricole de Trois-Rivières. Oui. L'exposition agricole de Trois-Rivières qui a lieu encore une fois à Trois-Rivières même. C'est un moment qui est privilégié parce qu'on mélange le urbain et le côté région rurale. Donc, le côté urbain parce qu'il va y avoir une foire, il va y avoir des manèges, il va y avoir de l'animation des et autres. Pardon? Des roll dogs. Oublie pas, c'est comme des pogos, mais et de la pente, mal. Ah oui? C'est bon. Crime, hein? On a comme quitté les vagues assez rapides, hein? Hey, écoute, la piscine à vagues... Fermé. J'espère que vous en avez profité avant que ça ferme. Donc, comme je disais, on va voir le côté qui était urbain, mais on a aussi le côté rural qui est présenté avec les produits du terroir, les animaux de la ferme, la provenance des produits tels que le lait et les œufs. Donc, c'est une belle occasion de découvrir les richesses de votre région. On a le délice d'automne, encore une fois à Trois-Rivières, au parc portuaire, qui lui présente, dans le fond, des découvertes gastronomiques et des produits du terroir et qui va avoir lieu le... du 30 août au 2 septembre prochain. Ça, je pense que tu vas venir nous revoir avant la fin de la session. Écoutez, hein, c'est si loin. Vous m'invitez, m'a revenu. T'es invité quand tu veux. Alors, je continue ma chronique tout le long de la vie. Sans arrêt. On demande rien que ça. Sans arrêt. Non, non, mais c'est ça. Mais là, je vous parle pour que vous prépariez votre agenda. Oui, oui. Mais après ça, je vais en rajouter, puis on va discuter où est-ce que vous êtes allé, puis tout. Ah, j'attends votre appel. Donc, comme je disais, le délice d'automne va présenter l'aspect culinaire sous plusieurs formes, va présenter différents chefs cuisiniers en compétition, va présenter des nouveaux produits, va avoir différents kiosques. Donc, c'est quelque chose à aller voir. Mettons, je vous présente une ou deux dernières choses. Oui. On a à Shawinigan, l'espace Shawinigan Tout Feu, Tout Flamme, qui est une exposition sur le travail des pompiers. Donc, on peut y voir l'évolution des techniques déployées pour combattre les incendies depuis le 19e siècle. On va aussi avoir l'occasion de découvrir la complexité et les risques que bravent les pompiers pour vaincre les incendies. On peut voir les camions. On peut poser des questions à des pompiers. Donc, c'est une belle activité, autant familiale avec les jeunes et autres. Petits et grands peuvent s'amuser dans le fond parce qu'on n'a pas tous les mêmes questions pour les pompiers. Je pense qu'on veut tous aller là rien que pour pouvoir utiliser la hose. C'est la seule raison qu'on veut aller là. Ça, c'est ouais. Ta raison. Est-ce qu'on peut faire ça? Ou demander si c'est vrai qu'ils sont danseurs aussi. Ben, si vous voulez, pour ta question sur la hose, ouais. T'as juste à appeler au 911. Ils vont te répondre. Ben oui. Peut-être pas ce que tu vas entendre, mais ils vont te répondre. Dernière chose que je vous présenterai, c'est un musée du bûcheron. Oui, oui. Oui, oui. Au-delà de porter des chemises carottées puis d'être fier d'être bûcheron quand c'est le temps de la cabane à sucre. Ils sont pas obligés d'être bûcheron, ils peuvent être hipster aussi. Ah, vous pouvez même être hipster, vous pouvez être de tous les styles, vous allez être accepté. Foulard blanc, le devoir, les mains, non? Ben, regarde, moi, c'était pas dans la description du public cible, mais s'ils veulent venir, on les refusera pas. Parfait. Donc, ça se situe à Grande-Pile, puis c'est le village forestier. Donc, il y a un musée du bûcheron qui présente des thématiques comme la limerie, la forge, moulin à scie, qui nous montre l'histoire des hommes qui travaillaient très fort pour peu en retour, les hommes qui devaient travailler très fort physiquement dans la forêt et tout pour faire vivre leur famille. Puis, il y a une chose très, très intéressante, le forfait « On monte au camp ». Tu peux vivre pendant 24 heures une expérience touristique unique en Mauricie en vivant comme les bûcherons vivaient. Ah. Voilà. Wow. Est-ce qu'il faut marcher sur des billots, tu penses, sur la rivière? Bien, sûrement. Oh, rien de moins. Qui dit bûcheron, dit marcher sur les billots dans la rivière. Puis peut-être finir en canot, puis essayer de pas toucher les clochers d'église. Comme puis on pourrait ouvrir un bar à ce nom-là. Ben oui, peut-être. Écoute, ou un magasin de chaussures. Vous m'avez perdu en cours de route. Chasse-galerie. Chose-galerie. Ah, chasse-galerie. Oui, chose-galerie, ça, c'est des souliers. Okay, voilà, ouais. Voilà. Ah, okay. Bon. Donc, j'ai fait le tour assez rapidos. Il y en avait encore des millions de choses, mais voici les priorités de la semaine. C'est ça. Et pour dire, encore une fois, on le répète, mais les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire à Trois-Rivières, c'est faux. Menteur. C'est de la boule. Comme dirait les bûcherons. Viens dans la chienne. Viens dans la chienne. Les bûcherons disaient ça. Les bûcherons disaient ça. Puis si vous vivez le camp 24 heures, ils vont vous le dire. Là. Ben oui. C'est ça. C'est ça, les bûcherons, dans le temps, tu sais, ça travaillait bien, bien fort, ça suait beaucoup. Mm-hmm. C'est ça qui a fait que les arbres poussaient plus vite parce qu'il n'y avait pas de suie. Voilà. Suie, c'est. Maintenant, il y a grand monde qui travaille. C'est ça, c'est que, tu sais. Hein? C'était sec. Puis il y a des feux qui pognent. Hein? Bon. Voilà. Mais c'est pas grave, on a les pompiers tout feu, tout flamme. Voilà, ils régler la situation. Youpi! Marie-Laurence Audet, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Parfait. Évidemment. À bientôt. La porte est grande ouverte. Bon, ben bonne journée. Bonne journée. Nous, on continue avec du palmarès un petit peu avant d'accueillir David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. On va entendre les positions 18 et 19. Tout à l'heure, André Papanicolaou avec How Will This End. Mais pour l'instant, on va y aller tout de suite avec How to Destroy Angels and Keep It Together. À son âge requis, à la plage. Et garde-la ensemble. Ah, oui. Avec la hausse. Puis... Pogne la hausse puis fais des mouvements. Là. Le va-et-vient. Avec la hausse. Ouais, je parle loin. Là, ça. Ouais, c'est ça. Là, ça jigue de partout. Ok, on arrête. I'm afraid.

Oui. Parle aux animaux. Ah, oui. Peut-être. Docteur oui. Doolittle. On pourrait faire blague les jokes avec ça, Doolittle. Là. Ouf. Doolittle. Moi, ce serait pas pire si je pourrais. Si je pouvais, en fait, parler aux autruches du Parlement. OK. Ah, ça, c'est une joke politique, hein, chacun? Oui. Ça te passe sur le sable. Mais c'est pas grave, là, on est en vacances, on parle plus de politique, mais je vais plutôt vous parler d'une artiste française qui s'appelle Guidré, en fait. Veux-tu faire ça dans une chronique, mettons? Oui. C'est pas bien. Ben oui, il faut que t'introduises ma chronique. Je pensais qu'on allait là. Moi, j'allais tellement le beat, moi, je serais resté là-dessus. Ben, on va y revenir, on va y revenir. On est sur le bord de la plage, on va et on revient. Comme là, on s'en va faire la chronique, la langue dans ton oreille. Ben oui, avec nos radios. Ouais, attends. Tu pourrais mettre tes écouteurs, c'est Rémi. C'est ça, demain. Hein? Comment on va? Hein? À la radio, mais les écouteurs, hein? Merci. Un pina colada? Ouais, ouais, ouais. C'est ça qu'elle dit, tu vois. La langue dans ton oreille. T'aurais même pas entendu le petit chat si t'avais pas eu tes écouteurs, David. Il est tellement attendrissant. Tellement cute. Il est quel couleur, ce chat-là? Je ne le vois pas d'ici. Il est parti loin. Il y a aussi qui fait miaou, il s'en va en quoi? Ouais, je sais pas. Ça dépend des jours et selon l'éclairage. Aujourd'hui, il était rasé puis il est rose. Ah, rasé rose. Chasse. Un vrai petit bébé naissant. Hein, oui. David? Oui. Aujourd'hui, on parle en fait de ton artiste coup de cœur du moment, n'est-ce pas? Oui, Guidré, qui est une artiste française. En fait, elle est née en Lituanie. Et ça, c'est un pays qui est vraiment au nord-est de l'Europe, c'est proche de la Pologne. Et en fait, à 7 ans, elle déménage à Paris quand son père meurt. Et pendant son parcours à Paris, eh bien, elle apprend de la guitare et elle compose des chansons. Et au début des années 2000, elle se produit dans des bars jusqu'à temps qu'elle se fait repérer par Raphaël Mezrahi, qui est un chroniqueur et humoriste français très connu. Donc, elle fait des premières parties de ce Raphaël. Et ensuite, Laurent Baffy. Pour ceux qui se rappellent de Laurent Baffy, c'est l'équivalent le français de... Oui, exactement. Le fou du roi de Tout le monde en parle, édition française, qui est également humoriste et qui fait encore des spectacles. Donc, Guidré a fait des premières parties pour lui. Et là, elle passe à la télévision pour produire ses chansons devant le public qui est là. Il y a des compagnies de disques qui lui disent « Tiens, toi, j'aimerais bien que tu signes un contrat pour moi. » Et elle dit « Non, j'autoproduis mon stock. » Donc, c'est pour ça que ça a pris quand même du temps avant qu'on puisse parler d'elle parce qu'elle voulait autoproduire son stock qui est... Dans ses autoproductions, elle sort des albums qui se vendent à 2000 copies en 2 semaines. Sauf que ça n'a pas l'air beaucoup. Sauf que c'est elle qui produit tout le stock. Elle personnalise également ses CD. Donc, 2000 en 2 semaines, c'est quand même bon dans le contexte. Là. Quand même. Ben, il y a plein d'artistes populaires en France qui vendent même pas ça en 3 mois. Fait que, OK. Parce que la crise du disque en France est horrible. Ben oui, mais c'est ça. Ils vendent ça et il y a plein de trous dedans. Comme des beignes. Un trou. Non. Ah... Non, c'est CD. Non, moi, je trouve pas pire. Okay, merci. J'ai un bon public quand même. Parce qu'il rit vraiment, littéralement, à n'importe quoi. Ouais, c'est bien. Tu peux dire n'importe quoi, puis ils vont rire. C'est ce que je fais. Tu pourrais dire anticonstitutionnellement à l'envers, puis ils riraient. Non, ça me fait pleurer. OK. Pas n'importe quoi. Donc, petite mouette, je te parle à toi. C'est une mouette qui ronflait. Okay. Ouais. C'est bon. C'est attendrissant. C'est pas ça. Attends que le McDo ouvre. Excusez. C'est de reprendre les essais. Bon, déconcentre-toi. T'es plus seul à rire de n'importe quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on parle de Guidré. Je te guiderai. Non, elle chante pas comme ça, en fait. C'est beaucoup moins quétaine que ça. En fait, je vais vous... pour montrer son style qui est... un mélange entre Carla Bruni, McQuarrie et Carmen Champagne. OK, on va devoir reculer un petit peu et réanalyser ce que tu viens de dire. Recommence. Oui. Okay, donc, ce mélange de... Carmen Campagne. OK, ça, c'est... pour enfants. Oui, ma petite vache à mélopathe. Pitoute, OK, oui. Carla Bruni. Ça, c'est de la... Ben, à cause de la guitare. Le côté guitare. Parfait. Et McQuarrie pour le côté vitriolique. C'est bon pour imiter McQuarrie. Et là, on va écouter Chacun pour soi, qui était une espèce de critique de notre égocentrisme. On écoute ça. Guidré, c'est ça? Guidré? Guidré. Tout cette astérilité, tout le monde s'en fout. Autant que des bouts de verre coincés dans ton genou. Personne n'en a non plus grand chose à faire. Que ce soit bizarre d'apprendre que ton père c'est ton frère. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dans les toilettes du bistrot. Au pire, ça perturbera juste l'apéro. Et tu peux pleurer parce que t'as vu tes enfants mourir. Nous, tu sais, ça nous empêche pas de dormir. Tu sais, dans la vie, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la. Alors avant de nous accabler de ta tristesse, demande-toi avant si ça nous intéresse. Et tu verras que bien souvent la réponse à ta question, bah c'est non. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et personne pour toi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'était Chacun pour soi de Guy Dré. Et là, si vous avez trouvé la chanson crue, le reste qui s'en vient va l'être encore plus. Oh, c'est bon d'avertir le public. Oui, pour public averti seulement. Oui. Et donc, pour revenir à Guy Dré, c'est que 2012, c'est une grosse année pour elle. En fait, elle termine une série de 100 concerts qu'elle a donnés en 2 ans. Elle atteint 27 000 fans sur Facebook et elle ouvre le Printemps de Bourges, qui est un espèce de gros festival de musique alternative en France. C'est peut-être pas, je sais pas si c'est l'équivalent d'Oshiga, mais c'est à peu près, c'est un gros festival en France. Et là, en plus, elle sort un album particulier qui s'appelle Mon premier album, genre Panini. Genre Panini, dans le titre, ça dit genre Panini. Oui, exactement, okay. C'est le titre de son album. Et en fait, c'est pas un album pour vrai, parce que quand on ouvre l'album, on découvre qu'il n'y a pas de CD dedans. OK. Il y a plus... Tu le fasses toi-même comme un sandwich? Non, pas tout à fait. C'est qu'en fait, il y a des autocollants grattés qui te donnent accès à des chansons gratuites. OK. C'est bien comme concept. C'est une bonne idée. Ben oui. Donc, les gens peuvent choisir leurs chansons. Choisir les chansons, dans le fond, est-ce que tu peux toutes les avoir si tu les veux toutes aussi? Ben, il faudrait que tu en achètes en montadine des disques Panini. OK. Fait que c'est pas tout le monde qui a le même contenu, c'est ce que je veux dire. Je comprends bien. Ben exactement, d'après ce que je peux comprendre, parce que les disques autoproduits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment elle qui fait ça par elle-même. Mais finalement, elle décide de signer un contrat avec une maison de production qui s'appelle Le Rat des Villes, qui représente des artistes comme Patti Smith et Iggy Pop. Okay. C'est quand même pas des deux de pique, là. Donc, Patti Smith, elle devrait faire un album qui s'appellerait Mon premier album comme pâtisserie. Après, Patti Smith, pâtisserie, ça. Puis Iggy Pop, mon premier album comme de la liqueur. Ou comme Iggy Pop, c'est comme. Ouais. Ah, ouais. Pourquoi pas, ça serait sucré. Déjà qu'il a collaboré avec Keisha, il a montré son petit côté sucré. Cheesy en même temps, ouais. Ouais. Pour Keisha, c'est trash, puis Iggy Pop, c'est le contraire. C'est un bon mélange, hein? Non. Pas grave. Mais là, elle sort enfin 2 albums enregistrés qui sortent dans les magasins. Donc, mon premier album vendu dans les vrais magasins et mon premier best-of. C'est donc bien le fun comme nom d'album. Oui, ouais, elle est vraiment créative, cette fille-là. Oui, c'est ça, littéral. Ça. Mais ça, elle s'habille comme passe-partout puis elle chante des chansons trash. Ouais. C'est fantastique. Et parlant de chansons, écoutons L'amour à l'envers. Guidré, exactement. Ouais. Même que de dos, c'est mon lot, c'est mon fardeau. On ne m'aime qu'à l'envers. Je ne connais que l'amour par derrière. Souvent je ne découvre mes amants qu'au petit matin en me réveillant. Je peux alors mettre un visage sur ces oh, ces râles que j'entends dans mon dos. Par devant, par derrière, de toutes les manières. Peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même. ne me parle jamais de mes yeux. On me complimente surtout pour mes cheveux. Je peux avoir de la salade coincée entre les dents. Je m'en fous, on ne me regarde jamais par devant. Je pourrais être enceinte de 8 mois, qu'on ne le remarquerait même pas. Et pour faire des économies sur les UV, je ne bronze que d'un côté. Par devant, par derrière, de toutes les manières. Peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même. On n'aime que mes bons côtés. Je dois toujours me retourner. J'aimerais qu'on m'aime en entier, et pas seulement la tête écrasée contre l'oreiller. J'aimerais qu'au moins une fois on m'aime à l'endroit. Que je sache ce que ça fait de savoir avec qui on le fait. À l'endroit, à l'envers, de toutes les manières. Peu importe par quel côté on s'aime, pourvu que l'on s'aime quand même. Par devant, par derrière, de toutes les manières. Peu importe par quel côté tu m'aimes, pourvu que tu m'aimes quand même. C'était L'amour à l'envers de Guy Dré. Wow, hein? Tu disais vulgaire. Je sais pas, ça commence pas par vul, en tout cas. C'est plutôt grégaire. Vulnérable. Vulnérable, oui, c'est ça que tu voulais dire. Ben oui. Tu me comprends? Ben, quand même. Elle est quand même romantique. Elle est peut-être vulgaire, mais elle a un petit côté romantique. Elle aimerait qu'on l'aime pour ce qu'elle est tout entier. Oui. C'est ça qu'elle dit dans ses tunes. De tous les couvains, tout à fait. Ah oui. C'est vrai. Et là... ça, pour parler de son univers de manière générale, comme vous avez remarqué, c'est assez cru. Et en fait, je pourrais dire que c'est un mélange entre Georges Brassens et John Lajoie, qui sont deux de ses influences. Toi, tu dois triper sur les genres de smoothies à plusieurs saveurs. Hein? Ouais. Ça mélange ça, ça mélange ça avec ça. Ben, ça, c'est elle-même qui l'a dit, le côté Georges Brassens et John Lajoie, c'est elle-même qui l'a dit comme ses influences. Okay. Donc, elle s'autoproclame héritière de ces deux personnes-là. Et en fait, derrière sa guitare sèche se cachent des propos très crus sur la pédophilie, l'égocentrisme, les handicaps, la prostitution, l'enfance, etc. Pour illustrer ce côté trash, mentionnons quelques titres comme « On fait tous caca »,« Meurs » ou « L'amour en prison ah, » bon. Avec des phrases comme « Échappe le savon » et tout le reste qui s'en vient. Et des répliques, dit-il, « Elle voudrait s'échapper, mais elle a une jambe de bois ». Ou encore, on peut les jeter contre un mur ou les mettre aux ordures pour parler des enfants dans sa chanson « Ode à la contraception ». Aïe, aïe. C'est très trash. Ben, c'est le fun, j'aime ça, c'est très original. Hein? Ouais, mais les chansons que je vous présente, c'est les moins épais, je dirais. Fait que si vous en voulez plus, allez-y. Peux-tu nous épeler le nom de cet artiste? Parce qu'on n'arrête pas de dire son nom, mais on l'épelle pas. Ouais, c'est ça, c'est complètement... parce que ça s'écrit « Gidré », mais on prononce « Gidré », donc c'est « G-I-E-D-R-E » accent aigu. G-I-E-D-R-E accent aigu. Ouais, exactement. C'est la retenir aussi. Ouais, hein, j'y dirai. Faut essayer. J'y reviendrai. J'y dirai peut-être pas, non? Ça se dit pas. Hein? Non, pas vraiment. Ah, tu peux essayer, si tu veux. Mais... t'es meilleur que moi pour faire des jeux. Pas vraiment, non. Oui. Mais pour elle, c'est pas. Pour Gidré, c'est pas des chansons qui sont provocantes. Elle, son but, c'est pas d'être provocante, mais de montrer que la réalité, elle est vraiment crue. Ouais. Parce que on découvre dans les nouvelles à chaque journée des choses vraiment trash. Mais c'est la réalité. On a bien beau de mettre des mains sur nos yeux, mais la réalité, on doit la faire face. Et comme elle dit, je suis peut-être assis sur le banc de quelqu'un qui était assis là à la même place, mais peut-être que cette personne-là cache des personnes âgées et les enferme. C'est vrai. Non, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Très inspiré. Et voilà. Et donc, elle aussi, par le rire, parce qu'elle veut quand même mettre de l'humour dans ses chansons, c'est un moyen aussi de décomplexer nos complexes, nos remords et nos bibites intérieures. Et si c'est extérieur, on ne veut pas le savoir, ni intérieur, mais c'est un moyen pour elle que pour que les gens puissent passer un bon moment, puis se dire, ben oui, la réalité est absurde, mais passons un bon moment. Et pour... vous présentez encore plus. J'ai dirigé une dernière chanson qui s'appelle Pisser debout ou la version trash de If I Were a Boy de Beyoncé. De Beyoncé. Mais c'est pas un cover en tant que tel, mais okay. C'est l'équivalent à trash. C'est une chance. C'était à son large requis à la plage. Si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi aussi j'avais des couilles, ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, ouh, pisser debout, ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures, je pourrais en toute impunité pisser contre un mur, plus de colle enfilée. Plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non, j'irais plutôt me taper des putes à porte-maillot, je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse, j'aurais plus l'obsession de la taille 36, je pourrais faire l'amour tous les jours du mois, je serais capable de monter un meuble Ikea, je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan, ou si j'étais un homme, si seulement, si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout, j'aimerais tellement pisser debout, pisser debout. C'était la chanson très romantique « Pisser debout » de Guy Dré. C'est un genre, hein? Ça, c'est wow, hein? Mais c'est la réalité, c'est... Oh, oui, soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'aime bien. Parce qu'il y en a qui peuvent trouver ça hyper vulgaire, mais il y en a qui peuvent dire, ben oui, elle décrit de manière très, très crue, mais très véridique la réalité. Donc, c'est sûr qu'elle va avoir des fans ou des gens qui la détestent. Tout à fait. David Ferron, merci. Ben, ça m'a fait plaisir. On te retrouve la semaine prochaine. Si vous le voulez. Pour l'autre chronique de la langue dans ton oreille. Je pense que tu restes avec nous un petit peu. Ben, si vous voulez, j'ai hâte d'entendre la chronique de Sylvain. Ça s'en vient. Ouais. Je pense qu'il... Ouais. Je pense qu'il est prêt. Excellent. Pour l'instant, nous, on va prendre une petite pause pour cette fin de première heure. On va se retrouver avec, oui, en effet, la chronique du bon gars, Sylvain Sly, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a aussi en deuxième heure? On va avoir notre ami Justine Renaud qui vient de parler de Peter. Simon Fitzbé aussi. Oui. C'est la carte postale qu'il m'a envoyée. Oui, tu vas l'imiter, comme toujours, via la lecture de son texte. Ben oui, parce que lui aussi est en vacances. Ben oui! Pour l'instant, on prend un petit peu... Je pense qu'on a le temps pour une... On a le temps pour une petite chanson avant de partir en pause. Oh, coquin. Faudrait bien qu'on en joue une fois de temps en temps. Donc, allons-y avec la position numéro 14. C'était la nouvelle entrée la semaine passée. Donc, c'est oui, c'est Young Galaxy avec Pretty Boy. Yeah! Quand sur la journée qui reste là. Attends que je compte jusqu'à 14, hein, tu sais. Ouf, c'est pas donné à tout le monde. Un vrai sport. Ah ouais. Tu partais pas là-dedans. Non, non, non. À la plage avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. Oui, Stéphanie qui vient d'arriver entre-temps. Hein? On la récupère pour les trois dernières heures de l'émission. Telle une feuille de papier souillée de, d'encre. Récupération. Ouais. Ah. Tu me récupères. Ah, OK. Je peux te chiffonner quelque chose? Je sais pas. Je sais que tu as réussi à t'insérer comme au jeu de roche-papier-ciseau entre, entre Sly, David Ferron, Jean-Philippe et moi. Tu t'es inséré comme, une, comme on insère. Ça, ça sent le mort, là, ici. Ça sent le mort, oui, en effet. Ça sent le mort. Parle-moi-en pas. Je parlais de David, Mathieu, pas toi. C'est fin. Fin. Vous êtes fin. Oui. Voyons, moi aussi, je suis rendu mort, là. Vous déteignez sur moi. Ça fait descendre un petit peu le niveau de testostérone, mais à peine, parce que Sly vient compenser. Il y en a tellement de testostérone. Hein? Il y a de la virilité au pied carré, ça, je te jure. Tellement. C'est ça qu'on dit d'un... comment dire, d'un bon gars. Mm-hmm. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en reste tranquille, m'en paye mes billes, m'en va prendre l'anglais, m'en la prendre pour le vrai. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac, m'en mettre des bobettes, m'en lire la gazette, m'en checker les sports, m'en compter les morts. M'en passer mon check-up, m'en va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, m'en forcer en ciboire. Salut Sly! Salut mon ami. Ça va? Certainement, ça y est, je suis en amour. Oh, t'es en amour avec qui là? Ben, avec la cochonne qui chantait dans la chronique à David. Non, il est pas avec David, là. Avec la fille présentée par David. Ben, moi, j'aime ça de même, tu sais, de la classe, de la culture, tu sais. Je serais pas gêné d'amener ça souper chez ma mère. Parce que cette famille, j'imagine que ta mère est pire que toi. Non, mais parlant de ma mère, justement, okay. Tu sais que ma mère est une grande fan de David, hein? Ah, ouais? Ouais, était peut-être, là, je suis plus sûr. Non, non, elle écoute depuis quelques semaines, tu sais, disons qu'elle est semi-fière, tu sais. Puis là, elle me parle tout le temps de David, tu sais. Elle dit, tu devrais faire comme le jeune homme avant toi, là, tu sais. Elle dit, tu vois qu'il y a du contenu. la recherche, tu sais. Il dit pas juste des niaiseries, là, lui. Ah, mais j'ai dit, mais, tu sais, il est plate. Tu m'as-tu trouvé plate aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'était très bon, par ça, contre. Mais ben là, j'adis, je dis, il est plate, tu sais. Fait que, tu sais, ma mère, tout le temps, polie, elle dit, ben non, elle dit, il est pas plate, tu sais. Je trouve ça intéressant, moi, puis ça paraît presque pas qu'il lit, en plus. Hey, il est vache, hein, quand même. Ah oui, il est non, mais... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça. Ma mère qui nous écoute. Fait que là, je vais essayer de faire attention. Tu mets le monde à dos, c'est le fun. Ah ouais, moi, pas de filtre. Mais, ouais, c'est ça, j'ai regardé ça, là, les Renault, ça s'en vint bien, pareil. Ça avance vite, hein, ouais. Ouais, tu sais, ils m'ont fait un petit trottoir, là, pour quand je m'en viens de mon parking. C'est pour toi qui as fait ça. Ben, certain, j'étais tanné de marcher dans la pelouse, tu sais. Fait que là, ils m'ont fait un petit trottoir, puis j'étais arrivé l'autre jour, puis c'était frais fait. Ah! Fait que moi, je ne perds pas une ni deux. Je dis, écoute, je ne laisserai pas ma marque ici à cause de mes bons résultats, mais je vais m'imprimer à paquet de passe certains. Fait que je fais pas une ni deux. Je baisse mes culottes. Je m'étampe les fesses dans le ciment frais. Les fesses? Ouais, direct ouais. Dedans? Ouais, ouais. Mais tu aurais dû voir les gars de la construction, ils ont pogné de quoi en tabarouette. fait que là, il y en a un qui m'a aidé à sortir de là, tu sais, parce que je n'étais pas pour me rouler dedans pour essayer de sortir, en tout cas. Fait que ils ont réparé mon œuvre d'art. J'étais un peu déçu, mais si vous portez attention, vous allez voir que dans le milieu du trottoir, il y a trois spots. Hein? La fesse gauche, la fesse droite, puis ma main droite. Est-ce que si tu veux demander, était où la main gauche? Ben, c'est le gars de la construction qui va tirer pour que je sorte de là. Ce que les gens savent pas, c'est que les gars de la construction ont des fesses vraiment très, très carrées. C'est eux autres qui font les marques entre chaque dalle du trottoir avec leurs fesses. Ils ont les fesses vraiment droites. Flink! Tu sais? C'est pas ça, hein? C'est pas non, ça. Non. C'est non, la première non. fois que je. Oui. Le mais mystère est résolu. C'est ça. Fait que c'est ça. Non, mais ben, ils font une bonne job, les gars. Tu vois que ça avance, les Renault. Parce que moi, des fois, ben pas des fois, je suis un bricoleur aussi, hein. Tu sais, sauf que si tu verrais comment je suis manuel, je te jure que c'est drôle, tu sais. mais tu sais, j'ai un beau setup, hein, une ceinture à clous, tous mes outils sont neufs. Ça a l'air vrai, toi, ouais, c'est ouais. Ça. Faut que t'aies l'apparence d'un gars qui est bon avec ses mains. Quand je vais chez Rona, j'ai mon crayon sous l'oreille puis ma liste de fournitures, est un 2x4, tu sais, la vraie affaire. Mais je suis pas efficace ben. Tu sais, puis là, ces temps-ci, je fais des travaux chez ma tante Gigi. Parce qu'elle habite seule, elle a une maison de campagne, puis elle est mal prise un peu, fait que je vais l'aider. Mais elle, au moins, elle s'en rend pas compte que je suis pas trop efficace. Tu sais, pour te donner un exemple, l'autre jour, elle dit, Sylvain, faudrait-tu peinture? Parce que là, elle a creusé sa fosse septique, la faire vider, puis là, faut remettre des plywood par-dessus les trous. Fait qu'elle dit, j'aimerais ça peinturer, que ça pourrisse moins vite, tu sais. Elle dit, faudrait t'acheter une canette blanche. En même temps, tu pourrais faire des petites retouches sur la maison, tu sais. Là, il y avait des petits spots. Parce que j'ai peinturé à la galerie aussi. Okay. Et puis là, j'avais tapé tout autour de la galerie, question de pas en mettre ses murs, tu sais. Fait que quand je suis retourné la semaine d'après pour enlever le tape, la peinture du chalet a suivi. Fait que ça a fait des spots partout sur le chalet. Fait que là, elle dit tu vas pouvoir peinturer avec le restant de ta canette blanche. Des erreurs. C'est ça, corriger. Mais tu sais, vu que je suis pas complètement nul, je suis pas sûr que la canette va être blanche sale comme le chalet, tu sais. Fait qu'elle dit elle dit prendre une canette blanc sale, tu sais. Tu magasines ça blanc sale. Ouais, hein? Fait que tu vois qu'elle est aussi experte que moi, fait qu'elle s'en rend pas compte que je fais ça tout croche. Fait que. Une chance. Ça va bien. Vous autres, êtes-vous des bricoleurs? Et Colin. Howard Stern puis Joe Cocker. Ça reste. Ah, moi, je vous trouve que. Non, Manuel, puis moi, c'est. Non. C'est drôle, vous autres aussi, comment vous êtes Manuel, hein, j'imagine. C'est une console, ça va. Même là, chacun ses talents. Moi, je l'ai dit. Moi, je fais du barbecue puis je compte des histoires. C'est à peu près tout. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Mes fesses dans le ciment. Puis là, après ça, question de reprendre mes esprits, je suis allé masser un peu sur la terrasse de la chasse-galerie. Puis, checker les. Les femmes. Les femmes, faut le dire. Hein? Ouais. Ça m'a amené une grande réflexion. C'est beau une femme quand ça court, hein? Comme dans l'Alerte à Malibu. Ouais, pareil. Ah ouais, une main qui tient le bus, l'autre qui retient le sac à dos est en retard pour son cours. Moi, ça attire tout le temps mon attention. Même que j'ai développé une technique de cruise par rapport à ça. Okay. Quand je vois une fille qui court de même, je m'arrange pour me retrouver dans son chemin. Puis je fais un face-à-face avec. Aïe, aïe, hein? Mais ça n'a pas l'air préparé pendant tout, ça. Non. Là, j'échappe mon cartable, les livres, là, c'est forcément à se pencher, ça m'aide à ramasser tout ça. Puis là, je fais connaissance. Ah, c'est immanquable. C'est aussi bon que le panier d'épicerie quand tu y rentres dedans. Ou aller croiser la petite cute qui ressemble à la blonde de Lou Dano à la réception. Je peux te dire son nom encore. Je peux pas se sauver. Elle veut pas me le dire, son nom. Fait que je vais garder le suspense. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles te magasiner des pitterns à des places où ils portent un macaron avec leur nom. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est pour toi. Mais en tout cas, pourquoi qu'on comptait ça? Parlant de femmes. Là, j'ai de plus en plus d'intérêt hein, dans mes cours. Oui. Ouais. On est rendu aux trois quarts de la session. Puis le cours que j'appelais toujours mon deuxième cours, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y avait un nom. Ça s'appelle le développement des habiletés de direction. Compliqué pour rien, ça. On va se contenter de l'appeler le deuxième cours. Fait que dans mon deuxième cours, j'ai développé plus d'intérêt parce que la plus belle fille du groupe est juste en arrière de moi. Mais pourquoi tu es assis là? Elle est en arrière de toi, faut qu'elle soit en avant, toi. Ouais, mais c'est pas grave parce que elle passe 3-4 commentaires par cours. T'sais, bon, je suis pas apte à dire si les commentaires sont pertinents ou non, mais je te jure que je me fais un plaisir pour me revirer, regarder le décolleté quand elle parle. En tout cas. Le prof est bien gentil aussi, hein? Monsieur Frenet. Il était écœurant, tu sais. Il prenait tout le temps soin là, de s'assurer que j'ai compris, tu sais. Il dit, Sylvain, ça va, tu suis. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il voit le regard perdu dans mes probable, yeux. Probable, hein, ouais. Mais j'ai finalement compris pourquoi. Il dit, l'autre jour, il dit, Sylvain, il dit, toi, il dit, t'es mon baromètre. Je dis, comment ça? Ben, il dit, si t'as compris, tout le monde a compris. Oh, t'es monsieur guérant public, toi, hein? Ouais. En tout cas, bien gentil. À part de ça, cette semaine. Je suis allé voir FM. Comment? FM, ça, c'est mon petit frère. OK, je pense que c'était genre, c'est fou 81 FM? Non. Non, mais c'est mon petit frère, mais par choix, tu sais. OK, FM, faut deviner son nom, c'est François Mathieu. Ben ouais, tu l'as eu. Je te jure. Les bras à terre. Je voulais pas dire son nom, mais c'est parce que l'ironie du sort, c'est pas... C'est les deux seuls prénoms qui commandent, c'est pas vrai. L'ironie du sort, c'est pas juste à cause que c'est ses initiales. Parce que mon frère, il est né avec un petit problème de surdité. Fait qu'il y a des petits appareils. Aujourd'hui, bon, là, on ne les voit plus à cause de la technologie, mais quand il était jeune, il y avait les maillotches, tu sais. Puis il pognait, c'est foutu. Ben, c'était ben ironique de l'appeler FM vu qu'il y avait des radios dans les oreilles. Là, en tout cas, fait que j'arrête chez eux le voir parce que ça va être un nouveau papa. Hein, on le félicite. Bravo. Je le félicite vraiment. Sa blonde est enceinte. Fait que j'ai dit, je vais aller le voir pour lui dire bonjour. Fait que quand il me voit rentrer dans le parking, il fait comme d'habitude. Il sort dehors. Il dit, Sylvain, on va fumer une cigarette. On va aller dans le garage, tu sais. Parce qu'il ne fume pas dans la maison. Ben, il y a aussi que sa blonde n'avait pas que je rentre dans la maison. Là, tu sais, ça l'aide. Fait qu'on s'en va dans le garage à toutes les fois. Que si on te le demande, tu rentreras pas dans le studio. C'est ça? Si on te le demande. S'il fallait. Ouais. Suis les règles. Elle est plus méchante que toi. Oh! Elle fait peur. Okay. Tu sais, surtout depuis que j'ai mis le feu dans ses rideaux, là, plus question que je rentre. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire que je vais montrer une autre fois. Fait que on rentre dans le garage, puis tu sais, on commence à jaser de gars. Puis tu sais, mon chum François, travaille sur la construction. Fait que là, il fait du chômage. Puis et l'hiver, sous le chômage, j'ai l'impression qu'il trouve ça long. Là. Fait que là, vu qu'on est dans le garage, je vois tous ses hobbies louches. T'sais? Okay. Là, il s'est gossé un foyer en tête de dragon. C'est donc bien cool! Ouais, les tripes de donjons dragon puis de show réel avec des épées en mousse, ça trouve ça bien le fun, là, mais moi, ça m'impressionne pas trop. Là. Surtout que le dragon, il a un œil plus gros que l'autre. Là. Il est pas super symétrique, mais en tout cas, c'est son œuvre d'art. Hein? Son œuvre d'art. Puis qu'est-ce qu'il fait aussi? Il s'est remonté un moteur. Là, tu vois ça dans le coin, le beau moteur, une grosse affaire, peinturé jaune-orange, le chrome. Il dit ça, il dit c'était un 350, 4 barils. Il dit c'était dans un bateau, puis tout le kit. Mais je dis, ouais, mais je dis, c'est quoi que tu vas faire avec ça? Il dit, je sais pas, mais je l'ai remonté. C'est j'ai beau. J'ai dit, François, d'après moi, là, il est temps que tu recommences à travailler parce que j'ai l'impression que tu as trop de temps. Puis, je dis, comment ça? En plus, on est rendu au mois de juin. Comment ça, t'as pas recommencé à travailler? Il dit, il n'y a pas d'ouvrage, parce que lui, il chauffe des grues dans le nord, okay. À Fermont. Fait qu'il dit, il n'y a pas d'ouvrage, puis c'est la faute de la politique. Oh, hein? On embarque le voile là-dessus, hein? C'est ça? Une fois que c'est commencé, ça n'arrête plus. Je dis, comment ça? Il dit, va t'expliquer, il dit, comment ça marche. Il dit, dans le temps, avec les libéraux, il dit, on se faisait fourrer comme faux. Fait que là, il lève le poing dans les airs, puis il se donne une bonne tape sur l'avant-bras, la question d'illustrer la chose. Là, OK, t'sais. Pour se faire, ouais. Mais il dit, on travaillait. Il dit, on se faisait fourrer, mais on travaillait. Puis là, il dit, avec maman Pauline, à cette heure, il dit, on se fait plus rien que fourrer, puis on travaille plus. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est bon, on va laisser faire la politique, parce qu'il commençait à se fâcher. Fait qu'en tout cas, ça faisait un demi-paquet qui fumait pour être poli, puis pas me dire que j'avais pas le droit de rentrer dans la maison. Fait que j'ai dit, bon, ben, on va faire un petit bout, puis je suis parti. Excuse-moi, je m'en rappelle jamais quand les vagues arrêtent. Mais bon, t'entends pas le beat? Petite tranche de vie, je voulais vous conter ça parce que je voulais profiter de l'occasion pour le féliciter pour son nouveau bébé. Bravo. Sinon, quoi de neuf? Au camping! Ouais, c'est ton été, hein, ouais. Ouais, au camping. Alors, on a mis l'eau dans la piscine. Pas tout à fait prête, là, tu sais, elle est encore un peu verdâtre. Puis piscine, mais... c'est 18, là, c'est genre... C'est quoi? C'est une grosse piscine? Ah, c'est une piscine de camping. C'est pas une remorque, là, genre, avec de l'eau dedans. C'est la fameuse piscine où c'est que je vais être lifeguard. T'sais. Ah oui! Fait que là, on a mis l'eau dedans. Bon, comme je te dis, verdâtre un peu. Sauf que là, il y a eu un problème. Au camping, la façon que ça fonctionne, c'est que il y a une pompe électrique qui amène l'eau dans le fond d'un roulotte puis tout ça. Puis là, on a manqué d'électricité, fait que la pompe marcha plus. Oui. Plus d'eau prendre ma douche. J'avais une date. En plus. Fait que là, je dis, avec ma chèvre. Ah avec, oui, c'est vrai. Avec quoi? Avec ma chèvre. Avec ta chèvre, oui. Avec bacon. T'as foutu ta chèvre, ouais, OK. Puis là, fait que là, je dis, bon, ben c'est ça, la date avec bacon. Fait que là, je dis, faut que je me lave. Fait que pas d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'enligne la piscine, comprends-tu? Oui. Mais là, je voulais pas avoir l'air trop fou là, d'un gars qui s'en va se laver. Faut pas que ça paraisse. Non, avec sa barre de savon. Pis tout. La toilette marche plus, je vais aller pisser dans la piscine. Faut pas que ça paraisse non plus. Faut que rien paraisse. C'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli mon costume de bain de savon liquide. Oh. Bon, d'habitude, je prends du genre de body wash Axe. Là. Oui, évidemment. Rien de moins. Savon de douchebag. Tu m'attendais à rien d'autre. En fait. Mais là, je n'avais plus. Ah. Hein? Fait que j'ai pris du savon à vaisselle. Mais... Cascade. Liquide. Savon okay. Vaisselle liquide. Mais là, tu sais, un coup, l'arrêt plein de savon, savon vaisselle, ça mousse, hein? Oui. Fait que là, j'avais beau essayer d'avoir l'air subtil, là, je me promenais dans la piscine, puis il y avait un petit jet de mousse qui me suivait. Puis là, pour descendre dans la piscine, vu qu'il n'y avait rien de près, l'eau était encore verte, tu sais, j'avais juste accoté l'échelle sur le bord. Tu comprends? Elle n'était pas vissée. Les poignées n'étaient pas vissées. Fait que là, je descends. Fait que pour descendre, ça va bien parce que le poids se trouve à appuyer l'échelle sur la paroi de la piscine. Mais là, essaye de sortir de là, toi, après. Ouais. Là, je montais dans l'échelle tombait. Puis, comble du ridicule, ça sonnait que je l'avais mis en avant du gicleur. Fait que là, si t'as jamais vu un gros mousseux dans une piscine, là, on se serait cru, là, comme à Montréal, là, quand ils remplissent la fontaine de savon à vaisselle, il y avait des bulles partout. Tout le camping me regardait. Puis là, moi, ce que je trouvais à dire, c'est « Je sais pas ce qui se passe! » Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, fait que c'est ça. C'est un coup monté! Qu'est-ce qui a mis du savon à vaisselle dans mes shorts? Fait qu'en tout cas, c'est ça qui se passe. Puis là, c'est ça qui se passe au camping. Bacon va bien, ma chèvre va bien. Ouais. J'avais peur qu'elle s'ennuie, fait que j'étais allé chier deux poules. Deux poules pour y tenir compagnie. Fait que j'arrive à la meunerie, puis là, je dis au gars, ça me prendrait deux poules. Ben là, il dit, ben là, tu veux-tu des poules qui se mangent ou des poules qui donnent des œufs? Deux modèles différents. Ben, je dis, je veux faire les deux. Fait que là, le monsieur m'explique que ça marche pas de même, tu sais, parce que le coq à chair, lui, tu peux le manger, puis la poule, elle donne des œufs, tu sais. Ben, c'est pas pareil pantoute, là. Une poule qui donne des œufs, c'est beau, c'est gracieux, les belles plumes rousses, puis tout. Puis le coq à chair, lui, je veux dire, il y a plus tendance, si tu laisses le plat de graines en avant de lui, il va se coucher sur le côté puis il va manger. Là, il est blanc, louche, il manque des plumes. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, je vais prendre une de chaque. Pas fou. Ben on va me faire un croisement. Un croisement? Un croisement, comme ça, je vais avoir des poussins qui donnent des œufs puis que je peux manger. En plus, ça fait de la compagnie avec. Okay. Fait que je les ai appelés, j'ai appelé le coq à chair colonel. OK, ouais. Ça, ça se tient. Ouais. Puis j'ai appelé la poule Lisa. Pourquoi Lisa, non? Parce que c'est le nom de mon ex. Ah! Wow. qu'elle a un gros cul, une petite tête, ben oui. C'est elle le boss. Mais bon. C'est super. Je pense que j'ai assez dit une niaiserie pour aujourd'hui. Tu penses? Ouais. Hey, donne une petite chose. En fin de semaine, on organise une levée de fonds au bord le Doupab. C'est le tournoi de golf. Ça, c'est au Cap, le Doupab, hein? Ouais. Au début du Cap. Au profit de moi-même. Non, c'est des farces. Mais c'est ça. Fait qu'on s'en va jouer au golf toute la gang, au Métaboritain, vers 11h. Moi, je joue pas parce que, l'année passée, ils m'ont barré à vie. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Tu vas nous raconter ça un jour. Hein? Je vais vous raconter ça un jour. Fait que je fais le shérif. C'est-à-dire que je m'occupe de faire respecter les règlements. Puis, je donne des shooters en carte de golf. Mais, puis après ça, on a le souper. OK? Fait que le souper, le barbecue, puis tout ça. Puis, toute la gang de capotés vont être là, hein? Tyloo, Chris, Les Bras, là, qui est un ancien doorman du 10-12. Okay. Ça, c'est trois bacheliers, hein? Hey, des vrais, là. C'était pas comme moi. Non. Eux autres, ils étaient là pour étudier. Ouais, eux autres, ils étaient là pour étudier parce que moi, comme je dis toujours, pas ici pour apprendre. En tout cas, fait que toute la gang va être là. Puis, ça me ferait plaisir de donner au premier appel. Okay. Oh. Hein? Une paire de billets pour souper. Fait que ça vous donne le souper gratuit, puis un hublon. Oh. Je pense que j'ai pas le droit de dire que je vais donner une bière. Là. Non, on va donner un coupon. On va donner un coupon. Tu fais ce que tu veux avec. Il est bon pour échanger contre une bière, mais on te donne un coupon. Disons. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut venir souper, ça me ferait tellement plaisir qu'il appelle au 819-376-5183. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Désolé, maman, de t'avoir fait honte encore une fois et je quitte le building. Merci, Sly. On te retrouve la semaine prochaine pour notre chronique du bon gars. On rappelle 819-376-5183. On prend le premier appel et c'est pour les auditeurs de Candon. Jeudi, après-midi. T'attendais-tu que quelqu'un réponde? J'espérais que quelqu'un réponde. Je me demandais ce qu'il voulait. Je vais le faire. Moi, je regardais JB, je me disais, il va bien parler. Moi, je regardais dans le vide l'air bien. En me disant, oui, c'est quoi qu'il veut, lui? C'est à ça que vous servez, vous. 819-376-5183 pour les auditeurs du jeudi 6 juin, 15h19. On écoute la prochaine position. C'est du côté anglophone. Voici le numéro 13. Qu'il veut le dire? En vitesse, c'est The Clicks avec Savannah. Voilà. Stone Cold. Don't you know you are my heartache? And I'll go fooling around and chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm halfway out the door someday. Give me till the count of four, 'cause I know you wanna hear me say. And I go, ooh, ooh, cold one, take a look at what you're missing. Just take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. 'Cause I'm halfway out the door and you're screaming out for more, baby. Give you till the count of four, 'cause I know I'm gonna C'était The Clicks avec la pièce Savannah, position numéro 13. Ça monte de 3 places du côté anglophone. Alors, on va continuer avec d'autres palmarès tantôt, mais avant ça, les amis, toujours sur le bord, comme ça, de la plage. On est bien, hein? On est si bien. Stéphanie qui a pas dit un mot depuis que ça est arrivé, mais quand même... Moi, je trouve que ta plage a griche. C'est vrai, hein? Un peu. On dirait que, en fait, on dirait qu'on anime dehors puis que le vent pogne dans le micro. C'est tellement, tellement vrai. Tantôt, je me faisais du vent avec ma feuille, puis là, je me dis, c'est-tu moi qui fais ça? J'ai vraiment arrêté. Ah non, c'est pas moi. David, il me comptait hors d'onde qu'il y a des problèmes de gaz, puis il pensait que c'était lui aussi. Non, finalement, c'est pas ça. C'est les mouettes qui ont des problèmes. C'est le retour. Oui. Hey, parlant de mouettes, je vous ai-tu conté mon rêve? J'ai rêvé que il y avait une volée de mouettes au-dessus de moi qui me pourchassait et qui me faisait caca dessus. Je fais des beaux rêves. Wow! Mais ça, est-ce que tu considères ça comme un cauchemar ou un beau rêve? Ou un rêve Ah non, hey, c'est un cauchemar. Imagine-tu laver ça, ton linge, après? Et moi, tu veux que j'en compte une bonne avec une mouette? Vas-y donc, ouais, on est parti pour ça. J'ai déjà travaillé dans un parc d'attractions. Tu sais, c'est, mettons, une forme géométrique. C'est pas carré. Le rectangle? Oui, c'est ça, exactement. Puis une des caissières qui travaillait là, tu sais, je sais pas si t'es... Ça fait longtemps que t'es allé... Je connais pas une caissière, fait que tu peux pas... que t'es allé à... C'est ça qui est blonde. À cet endroit-là. Mais bref, l'entrée, quand tu vas acheter tes billets, c'est comme... C'est vitré. Puis il y a un petit trou, tu sais, pour parler. Puis il y a un trou pour mettre son argent. Ouais. La mouette devait voler au-dessus. Elle a fait caca. Le caca a passé par le trou où tu parles d'habitude, puis c'est allé atterrir sur son gilet, ben, à l'intérieur de sa guérite. Ah, wow. Oh, c'était... Écoute, je pense que j'ai jamais autant ri de même. Quand je l'ai vu, elle dit « Ça va? » Elle dit « Non, je viens de me faire chier dessus par une mouette. » Puis je dis « Comment ça s'est arrivé? » Elle dit « Ben, j'étais dans ma guérite. » Puis je dis « Ben là, elle était pas, quand même pas là. Ben, » hey, t'imagines-tu la chance? Tu sais qu'elle t'est dupe, t'as fait chier oui. dessus. Ah. La journée de chance. Eh oui, vraiment. Fait que c'était ma petite anecdote de ça. Je me sens rejeté de pas avoir d'anecdote de mouette, moi. Là. Ben là. Mmh. Hey, j'en ai une autre. Compte-la à Mathieu, puis Mathieu va la compter comme si c'était la tienne. Il okay. va se sentir moins hey, seul. Mathieu, tu compteras ça là, comme si c'était la tienne. Je revenais du parc safari, puis on est arrêté dans un stationnement d'un fast-food quelconque. Puis j'ai dit, hey, tu sais, je vais lancer un restant de bouffe de parc safari, tu sais. Et j'ai vu, il y a énormément de mouettes qui sont arrivées. Fait que je me suis dit, il y a de quoi faire avec ça. Fait que j'ai juste comme vidé le paquet et il y a comme des millions de mouettes qui sont arrivées de nulle part. On dirait qu'ils ont juste comme... se sont matérialisées sur place et il y avait une quantité de mouettes extraordinaire. Cool! C'est incroyable, pareil. Tu peux nous arriver dans une vie. Ça a pas l'air. Moi, je suis là puis je suis comme bouche bée, ça. T'as un contrat. Oui, tantôt. Je vais la retenir. Ce qu'on va faire là, à l'instant, c'est retourner entendre une dernière pièce de palmarès parce que profitons du temps qu'on a encore. On va l'entendre dans la position numéro 12 du côté anglophone, n'est-ce pas, Stéphanie? Oui, on va entendre. Ah, 12. With Her Shadow de Born Reference. Born Reference. Qu'est-ce que tu penses de ça, Born Reference? Born Reference. Ça a bien du sens. Je suis assuré que c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Tu vois, il est chanceux. Moi, tantôt, j'étais allé jusqu'à 14. C'était oui, c'est pas 12. Dur à compter. Peut-être. 9 sur le CD, 12 dans le palmarès, c'est ça? À peu près. Dans à peu près 3 minutes là. En fait, quand même. On va être en retard. On va être en retard. C'est ça que ça veut dire. On va être en retard, Jean-Philippe. Ben, écoute, on est en retard de poulet. Non. OK, ce qu'on va faire à la place, avant d'aller entendre la position anglophone, on va vraiment se dépêcher et on va accueillir en éclair total. La carte postale de Simon Fitzbay. Oh. C'est la chronique de Simon Fitzbay qui s'en vient, qui commence comme elle le veut bien. Donc, carte postale qu'on a reçue par la poste d'un gars, ma foi, bien habillé. Je trouve que les facteurs ont des beaux habits, quand ne même. Ne trouves-tu pas? C'est très bien. Ne trouves-tu pas? Donc, Simon, c'est toi qui vas évidemment l'imiter parce que Simon n'est jamais là cet été. Il est en vacances. Donc, je pense que tu vas essayer de faire l'imitation le mieux possible, n'est-ce pas? Oui, ben écoute, je vais y aller comme d'habitude. Claire ta voix, la donc, gorge. Attention, j'y vais comme suit. Salut les mecs. Je sais pas pour vous, wow. Mais dans votre ressort, je sais pas comment. Excusez-le. Même quand toujours tu parles. La misère à toutes les semaines, vous savez, les gars. Normal. Donc, je sais pas pour vous, dans votre ressort fake d'émission de fin d'après-midi, mais. Premièrement, qu'est-ce qu'un ressort? Et deuxièmement, comment oses-tu faire du fake? C'est tout. Colin, on est à la plage, on est au tout inclus de ces fous. Il y a rien de fake là-dedans, comment oses-tu? Je pense que Simon, il pense que c'est pas vrai. Simon. Non, en tout cas. Donc, dans votre resort, d'abord, okay. Fake d'émission de fin d'après-midi. Mais dans le mien, celui où c'est que lui y est, il fait beau en petit bonhomme. Ça fait du bien parce que dans les dernières semaines, c'était assez so-so. Je vous ai concocté une carte postale encore très variée qui joue entre le récent et des découvertes vraiment rafraîchissantes. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. On débute avec Edward Shape and the Magnetic Zero. Edward Shape, dis-je, and the Magnetic Zero, qui nous présente son tout nouvel extrait Better Days. La formation du très spirituel Alex Hébert entrera dans son. Excuse Mathieu, je suis vraiment pas sûr. Je me suis préparé cette semaine. C'était bien. Je l'ai lu au moins une demi-fois. Ouais. Avec son nouvel album homonyme qui va paraître le 23 juillet. À entendre des premiers extraits, ça promet pour la suite. Ensuite, je vous propose la pièce All Your Gold de la formation Hospital Ship, le projet de Jordan Giger qui jongle dans les mélodies les plus délicates tout en offrant de très bonnes productions pop minimalistes. Il m'avait fait triper dans son album très lo-fi Lonely Twins en 2011 et risque d'impressionner plusieurs avec Destruction in Your Soul. Ah, je pense qu'il veut dire Your Soul, mais il y a juste YR. C'est possible, hein? Son prochain album qui sort le 18 juin sur Graveface Records, le label de Ryan Graveface derrière Black Moth, Super Rainbow ainsi que Casket Girl. Ça sera suivi de quelque chose de gros, la pièce 3AM Spiritual de la formation Smith Westerns qui sort son album Soft le 25 juin. Cette formation m'avait jeté par terre avec son album à mi-chemin entre l'indie et le glam lorsque j'étais à la barre de l'émission du matin en 2010. C'est vrai. Je recommence la phrase. Jean-Philippe, voyons, je suis tellement bien. Simon t'écoute là, de chez eux. Là. je devrais attendre encore quelques semaines avant de pouvoir me procurer le prochain album m'attriste au plus haut point. Finalement, je vous laisse avec une découverte que j'ai faite sur le tard, la formation de Louyaz, qui est un groupe montréalais qui déchire et qui m'a très impressionné avec sa diversité de style et de genre. On a l'impression de passer du rock à l'électro en passant par la superbe section ambiante. C'est sans oublier la voix sublime de la jolie Jessie Stein, qui m'a charmé en quelques secondes. Je vous propose donc la pièce 50-50 de leur album Animator lancé en octobre 2012. Je vous invite à aller voir leurs buzz sessions qu'ils ont fait récemment pour le blog de Wild Honey Pie. C'est vraiment bon. Bon, ben sur ça les gars, je vous salue bien bas. À bientôt. À ta boy Stéphanie, Simon. À ta boy Simon. Hey, t'as bien fait ça, Jean-Philippe. Ben écoute, je m'améliore avec le temps. Hein, tu sais, avec les technologies qu'on a, on peut changer plein de choses. Changer le monde. Oui. Changer le monde. Le monde. Le monde. Pourquoi tu changeons parles, le monde. Changeons le monde. Ah, je pense qu'il fallait. Ok. Changer le monde. On peut le brancher aussi. Ça. Windows joue pas les fichiers quand ils sont dans des fichiers zip. Faut que tu les sortes zip avant. C'est pas. I've seen better days dripping down your face. We don't have to talk, let's dance. For the times you felt alone, dreaming better, I see better, better days. Too dark to say goodbye. Well, that's some cliche shit, make me wanna cry. Yeah, I see better, better. But I don't need much more than faith. For all the times it felt too long, dreaming better, dreaming better, better ways. Too dark to say goodbye. Well, there's some give up your shit, make me wanna cry. Just know that every time I look in your eye, I see better, yeah, I see better, better days. Try to remember that you can't forget. Down with history. remains my song, my love, my one. No, the time will come to loose the binds. Donc, c'était la carte postale de Simon Fidubé. On a entendu... Qu'est-ce qu'on a entendu, hein? On a entendu Edouard Sharp de Magnetic Zero. J'arrive pas à refaire la voix de tantôt. Non, tantôt, tu l'avais beaucoup mieux que ça. Ben, je trouve que ça sonnait vraiment pareil comme ça. Je vais te prendre un petit café, c'est peut-être ça. Ah, je sais pas. Avec la chanson Better Days, on a eu All Your Gold, Hospital Ship, 3AM, Spiritual, qui ont... de Smith Western, oui. Et on a fini avec de Louyaz 50-50. Kif-kif. Merci Simon dans la peau... non, attends. Jean-Philippe dans la peau de... C'est ça? Simon, Simon Fidubé. Ça fait plaisir, messieurs. Et bisous, Steph. Et alors, c'est mais c'est Attaboy! Attaboy, cette fois-ci, mais ça dépend des semaines. Là, je ne connais plus par cœur. Il varie, c'est sa plume, tu sais. C'est ce qui vient dans son sa main à sa plume qui se rend jusqu'à l'ordinateur, qui se rend jusqu'à toi dans la voix de Simon. Ouais, exact. À la plage. À la plage. Simon, à, Simon à la plage. On a failli appeler l'émission comme ça. Ben, pas Simon à la plage, là, mais. Non, on l'a rappelé Simon à la plage. Pas de Simon. Pas de Simon. Simon. C'est ça. Ouais. C'est comme dans le temps qu'on voulait appeler Assemblage Requis, on voulait appeler ça. Je t'avais dit. Ouais, je suis sûr que je l'ai déjà dit en nom, je pense. Ben, moi, ça me dit rien. Au début, à l'Assemblage Requis, quand on cherchait le nom, il y a que ça quelques années, là. Ça fait quand même, moi, à 3 ans et demi, là. On voulait appeler ça Le Retour sans Benoît Gagnon. Parce qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Le Retour avec Benoît Gagnon en TQS. Ça arrêtait de dater, pas pire, hein? Ouais, c'est ça, c'est un gars qui passe pas vraiment à travers le temps. Ça marchait comme pendant un mois jusqu'à temps qu'il soit retiré des ondes, puis après ça, il aurait fallu trouver d'autres choses. On voulait aussi appeler ça Plante-moi un Kiwan. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait. C'était avec Kiwan et moi, Mathieu Plante. Plante-moi un Kiwan. Tu vois, ça aurait marché juste une session, il aurait fallu trouver d'autres choses. Exactement. On a bien fait de choisir ça intemporel comme ça. Vous auriez pu appeler ça Deux Gars le Soir. Au lieu de deux. Ouais. Okay, ça aurait pas marché non plus. Non. C'est rendu le matin. Ouais. Ben, pas là. Et l'après-midi. Mais ouais, c'est pour ça qu'il faut pas appeler une émission avec un nom matinal, parce que sinon, il faut que ce soit absolument le matin. Il aurait fallu qu'on fasse l'émission d'été le matin. Ouais. Ça aurait pas marché. Moi, je serais pas été là. Ben, non. Au retour, c'est Justine Procrastine. Hey, ouais. C'est un poisson, tu nous imites? Ben, en fait, faut pas que je vous le dise, là, mais en ce moment, j'ai vraiment un complexe avec mes cheveux. Là, je reviens de chez la coiffeuse et là, je me regarde dans ma webcam. Je me faisais des grimaces. Mais c'est bon, tes cheveux. OK, bon. Avant, dans le temps, t'étais avec les cheveux très courts en arrière, mais en avant, comme assez long et en toupette sur le côté. Okay? Ouais, ouais. C'est ça. Là, ça a changé un peu. C'est encore plus court, mais encore plus court sur les côtés et en genre de faux hawk et avec un toupette. C'est rare qu'on voit un toupette ainsi qu'un faux hawk. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est beau. Faux-fête. Ben, c'est un foie, parce qu'un mohawk, il faudrait que tu sois rassé, côté. Attends, un mohawk puis un toupette, c'est oui. Une moufette. C'est un moufette. Un Tupac. Un Tupac Shakur! Oh. Yeah, Tupac! Oh. Tupac Shakur! J'aime yeah, ça, j'aime yeah. Ça. Fait que c'est ça. Ben oui, je vais être là tout à l'heure, là, je procrastine, pardon. On remet ça à plus tard pour même pas 2 minutes 5 secondes, 62, genre, je sais pas comment t'appelles ça, centaines de secondes. Ça va passer vite. Wow. Toujours à l'assemblage. T'es gâté un peu. Ah, cette session-ci, je me gâte. Beaucoup dans les retours de pause. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Toujours avec Stéphanie Paradis. Et toujours avec Mathieu Plante. Oui! Parce que toujours prend toujours un S. Ça n'a aucun rapport. Prof de français sort de ce corps. Oui. Parce qu'il y était. En parlant de français, il joue de l'accordéon. Hey! C'est un multi-instrumentiste. Une ouais. Baguette en dessous de la vaisselle. De l'aisselle? De l'aisselle, mais il y en a juste un aisselle. OK. L'aisselle et poivre. L'aisselle et poivre. Est-ce qu'on prend ça en note? Non. Hey! JP, c'est toi qui as le contrôle de l'ordinateur. D'accord. L'aisselle et poivre. T'es la secrétaire. Mais c'est l'aisselle comme en dessous d'un bras. C'est bon? Oui, moi, je prends juste des rendez-vous. 14h30, ça vous va? Il est 15h35. Dépendant des gens. Bon. Justine Renaud, c'est elle que vous avez entendue là? Avec ma voix. Et sa gomme. Surtout sa gomme. Fais-nous de la gomme. Je suis désolée pour le rire hyper strident de parce que je mange la trident. C'est ça. Mais j'allais la faire. Mais je voulais... C'est pas un rire strident, c'est un rire trident. Bon. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing bed today. And doesn't matter what the app say to me, or do not care just what the app say to me. Bum bum bum bum bum bum da da bum bum bum bum. Hey, blague à part, blague à part. Cette semaine, j'ai ressorti ma guitare électrique puis j'ai décidé d'apprendre des chansons de Mother Mother, ceux qui font mon intro. Oui. Ben, c'est juste ça. Hey, c'est parce que je procrastinais en jouant de la guitare. Ben, il faut une raison de procrastiner dans la vie. Ça, c'est rock, ça. Hey, ça tombe bien, Mother Mother, parce que c'est pas la mère de l'artiste dont tu vas nous parler. Non, mais c'est... Elle est vraiment bonne. Oui, parce que Mother Mother, en fait, pourrait peut-être bien être la mère de Peter Peter. Oui, et les cousins sont Radio Radio. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis ils mangent soupe. Je sais pas. Non, mais c'est la soupe. C'est un livre, ça, je pense, Soup Soup. Non, Soup Soup. C'est un restaurant, je pense. Oui, c'est un restaurant. Ben, des fois, quand ils sont fâchés, ils font Rara. Rara. Oui, Rara. Aïe, aïe, le rire! Oh my god! J'écoutais... C'est vraiment trop drôle! Et là, ça va faire. Bon, on en parle souvent, mais ça fait tout le temps très fendant de dire j'écoutais l'émission de la semaine passée. Ma propre émission. Je nous réécoutais, finalement. Et tu riais à des moments qui n'avaient aucun rapport. je disais quelque chose dans une chronique, puis c'était comme tu riais, puis ça n'avait pas de sens. Puis je te demandais même pas pourquoi tu riais. J'ai vraiment un sens de l'humour complètement loufoque, pas déjanté. Déjanté. Ou à retardement. Oui. Mais on te demandera pourquoi tu ris à l'avenir. Parce que je suis blonde. C'est pas compliqué. C'est du vrai blond? Ben, c'est à moitié du vrai blond. OK, cool. Fait que pour les gens à la maison. Donc, on parle de Peter Peter dans ta chronique. Oui, c'est son de procrastiner. Parce que cette semaine, j'en ai bien fait en masse avec mon jouage de guitare de jeune femme avec une nouvelle coupe de cheveux et des faux stretchs. Donc, Peter Peter, je suis tombée en amour avec, en fait, cette semaine. Malgré, comme Stéphanie a dit, sa pochette d'album qui laisse à désirer parce qu'il y a vraiment de l'HD comme une balle. Mais bon, ça, on va le pardonner parce qu'il est originaire de la ville de Québec. Alors, on pardonne tout aux gens de la ville de Québec. Eux pardonnent pas à grand monde, je trouve. Ils font plus chialer contre tout le monde. Ben ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça, là. C'est pas tout vrai. Le cher Peter, que j'ai même pas trouvé son vrai nom, mais c'est peut-être parce que je suis vraiment pas journaliste dans la vie puis je suis pas capable de trouver des informations. Là, c'est mais Pierre Saint-Pierre. Pierre. Il est né en 1994, ce qui fait de lui un très, très vieux gars. Quelle année? 1984. T'es en train de dire qu'il est vieux? Oui, il est vieux. En 83, au moins. Aïe! Fait que... T'as-tu tes REER? Non. C'est pas en 35 ans, ça. Donc, Peter Peter fait dans le pop rock folk francophone absolument délectable. Mais là, vous allez voir, c'est pas en tout objectif comme chronique, là, parce que je suis vraiment un peu en amour avec. C'est assez fou. Bref, à ses débuts, il chantait dans un groupe rock anglais, puis il est déménagé à Montréal dans le quartier Oshilaga. Oshilaga. C'est pas arabe, ça. Oshilaga. Maisonneuve. C'est raciste, c'est rendu raciste. Mais non. C'est une joke. Mais non, Ramada. Si tu dis un autre mot, peut-être que... Non, mais là, Rochelaga, Maisonneuve. Tu peux arrêter quand tu peux aussi de l'air d'un garagiste. OK, parce qu'on m'a déjà dit que j'avais l'air arabe. T'as l'air arabe? On m'a dit ça, mais tu sais, c'est une folle. Ben, t'es-tu aveugle? Wow. Ah, juste touche à mes favoris. Oh! Ah, ben, c'est quand même... C'est un bon signe, ça. C'est quoi, ça? Je sais pas, des favoris. C'est un bon signe. Ah, oh, peux-tu arrêter? C'est le fun, hein? Hey, je suis juste rendue à la troisième ligne, là. On n'est pas assez loin. Fait que mon cher Peter Peter, qui est rendu dans Rochelaga Maisonneuve, il s'est concentré sur sa carrière solo, ce qui est une bonne chose. Bon départ pour Peter Peter, qui, après ça, en 2009, a signé avec Audiogram, la label derrière Arcade Fire et Corps de Pirate. J'aurais dû dire Arcade Fire. Ça sonne mieux en anglais. J'essayais de faire ma radio canadienne. Alors, Arcade Fire. Ici, mange pas les reins. Oh, ouais. Ah, oh, mange pas ma reine. Ici, mange les reins. Ici, mange les reins. Ici, mange les reins. C'est leur nouveau slogan. Ici, mange les reins. On a ça. Ici, mange les reins. Je te note ça. À 16h02, ça va? C'est bon. On est fort, sérieux, c'est bon, ça commence bien. Mais je vais poursuivre parce qu'on n'est même pas rendu à la sortie de son premier album, puis on a déjà bifurqué à peu près 12 fois. On a tout le temps du monde devant nous. Donc, premier album, éponyme, bien entendu. Fait que c'était Peter Peter de Peter Peter. Peter à la 4. À la 4. Paru en 2011. Et d'ailleurs, la chanson Homa est élue meilleure chanson franco de l'année par iTunes. aptitudes dans la même année. Bravo. Et c'est après sa première tournée qu'il se procure des claviers. Je sais pas s'il venait de chez Dolorama ou quoi que ce soit, mais il en tombe en amour. Non, mais je niaise un peu. Je sais pas s'il y avait de l'argent. Tu sais, des claviers, ça coûte une beurrée là, quand tu commences. Tu n'arrêtes plus. Là. Tu veux ce son-là, ce son-là, ce son-là. Mais finalement, tu plugues après ton ordi et tu as tous les sons. Allô? C'est d'ailleurs dans son deuxième album qu'on entend tous ces sons-là. L'album qui s'intitule Une version améliorée de la tristesse. On les entend allègrement. C'est exquis. J'adore ça. Cet album qui est à la fois vaporeux et où règnent les saxophones. Compte la participation du multi-instrumentaliste, en tout cas Emmanuel Etier, hein, qui a joué avec Cœur de Pirate, Jimmy Hunt et Pascal Cheftesi, là je vous jure, là, je sais pas niaiser avec ma prononciation, si je suis pas capable. Pascal Cheftesi, que lui a travaillé avec. Cheftesi, je sais pas, ça va juste écrire chi en majuscule. Je te jure, c'est Cheftesi. Ça va juste écrire chiffre. Mais Pascal, en tout cas. Moi j'apprends. La joke, t'as bon. Shift. Cheftesi. Ah, lui, il n'y a pas de E à son nom, fait que c'est probablement un lui, mais il a travaillé avec Martha Wainwright puis Daniel Bélanger. Il y avait un saxophoniste aussi, parce que je vous l'ai dit, hein, il y a du saxophone là-dedans, Adam Kinner, le bassiste Grégory Paquette, un ex de The Stills, un très bon groupe d'ici, et du batteur Francis Minot de Malajube. À nouveau, iTunes tombé en amour avec Peter, un petit peu comme moi, et a nommé son œuvre entière le meilleur album francophone de l'année. Hein? Pas rien. Le journal Voir le nomme aussi un des 10 meilleurs albums de 2012 et le meilleur album de l'année par Nightlife Magazine, entre autres. Mais là, si je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, ce serait intéressant que vous alliez le voir en spectacle. Il va être au Club Soda à 19h le 20 juin 2013 et non pas 2014, ni 2015, ni 2016. C'est lui qui s'en vient, là. Le 20 juin 2013, Francofolie. Francofolie de Montréal pour 24 et 50. Hey, je pense que ça en vaut la peine, sérieusement. Tu ne seras pas parce que là, tu as une chronique ce jour-là. Oh, sérieux? C'est un jeudi? Oui, mais tu peux y aller, ça. Sérieux? Mais non, mais là, j'ai le temps d'y aller. C'est à 19h. Dans deux semaines à 19h. Hein? Mais avant tout, vous allez pouvoir juger par vous-même avec une première chanson qui s'intitule Une version améliorée de la tristesse tirée de, justement de son dernier album et on l'écoute immédiatement. Ça semble la requis à la plage. Mange ta gomme. Les chemins qui mènent au paradis, j'emprunterai les méandres de l'enfer. Je ferme les yeux, j'éteins la lumière. Des démons, des libellules, des feux follets, des gouttes d'or. Le visage de l'ange de la mort s'est tracé dans la neige au bord de mes miroirs. Sur ma main. vengeance à de nos ivresses, une version améliorée de la tristesse. C'était Carousel de son album Une version améliorée de la tristesse. Peter, Peter, mon cher Peter, Peter, que je suis en amour avec toi. Et avant ça, on entendait Une version améliorée de la tristesse de son album du même nom. Là, je me tente plus avec les du même nom. Là. Je vais appeler ça du même nom. Tu t'es fait te reprendre, hein? Mais non, mais c'est correct en même temps. On va mettre les gens en contexte pour ceux qui ne comprennent pas. Tantôt, tu as dit éponyme pour Peter Peter. C'est homonyme. Homonyme veut dire même nom. Éponyme voudrait dire que l'album aurait donné son nom à l'artiste, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Nous dit, mais oui, mais quand l'artiste a donné son nom à l'album, qu'est-ce que tu dis? Homonyme. Homonyme. Parce que. Homonyme, ça veut dire non, même nom. Non, là, c'est ça. Parce que donner son nom à l'album, il n'y a pas de mot pour ça en tant que tel. Donc, ah non, tu fait que homonyme. C'est juste l'inverse. Ouais. Juste l'inverse. L'inverse. Ben, dans le fond, éponyme voudrait dire que quelque chose donne son nom à quelque chose qui. Tu sais. Mm. Mais à l'inverse, non pas. Tu peux pas dire que quand tu donnes ton nom à quelque chose, que c'est un éponyme. Et que c'est mêlant, le mot. Yeah, c'est la faute à Radio-Canada. Ils ont décidé de tout changer. C'est leur faute. Bon, on met le blâme à Radio-Canada. Mangez tout de la. Ça, c'est comme dans un gala quand t'avais plus le droit de dire « et les nominés sont ». Les nommés. Puis là, c'est soudainement, nommés. C'est devenu « les nommés ». On dirait qu'il y a eu comme un pop collectif ouais, que ouais. « Hey, ça se dit pas, ça, ben, les nominés ». Je comprends que ça a l'air fendant de vouloir utiliser les bons mots, mais une fois que les gens vont être habitués, non, ça moi, va être correct. Je trouve ça correct. C'est juste que il y a comme eu une bulle collective qui a explosé, ouais. Puis tout le monde a réalisé ça mais en même temps. Il faut que quelqu'un qui a du poids le dise haut et fort sur une tribune pour que tout le monde le remarque. T'sais. Parce que sinon, on n'en parlerait pas t'sais, de ces affaires-là, mais une fois que quelqu'un le dit dans un grand média... C'est tellement tabou, ça. C'est ça. Bon, mais moi, je suis sûr que c'est parce qu'il y avait un des animateurs qui n'était pas capable de dire nominé. Il est incapable de nommer les I. Okay, c'est ça. C'est comme Zoolander. Fait qu'il est pas capable de tourner à droite. Il est pas capable de dire les. Mais lui, il est pas capable de dire ça fait deux semaines de suite là, qu'on parle de Zoolander, il me semble. Ah, c'est peut-être pas avec vous. Mmh. Ah, ben là, c'est vrai. Parce que ça fait une semaine que je parle de Zoolander avec d'autres gens. Que t'as d'autres amis. Sans arrêt. Nous autres. T'as d'autres amis. Elle nous trompe. Oui. Ah, j'ai une joke. Mais je peux pas la dire en ondes, je pense. Ah. C'est pas grave, vraiment. Ben, okay. Je suis pas vraiment. On retourne en musique, on est hors onde. Mais non, mais c'est hors onde. Hey, je voulais dire pour de vrai. Là. Ouais. Mais ça se peut que vous la connaissiez parce que moi, je suis vraiment pas à jour dans mes jokes. Raconte c'est pas que je gentil, Bob Dylan, il est bien bon. Fais-je raconter. OK, OK. Fait que là, c'est un gars, c'est trois gars. En fait, ils se parlent entre eux, puis ils se racontent leurs histoires. Puis il y a un gars qui dit, moi, ma femme, elle a une taille de guêpe. Et chaque soir, je la pique. Le deuxième gars, il dit, ah, moi, ma femme, elle a une taille de sauterelle. Et chaque soir, je la saute. Et le troisième, il dit, ah, moi, ma femme, elle a une taille d'éléphant. Et chaque soir, je la trompe. Attention, on vient en onde. Okay. Ouais! C'est ça. Fait que, mais revenons à nos moutons ou nos éléphants, nos sauterelles, peu importe. J'espère les que gens comprennent pas, c'était hors ronde, ça. C'était hors ronde. J'espère que vous avez apprécié Peter Peter et mes deux jolies chansons. Et d'ailleurs, juste pour rappeler, le Club Soda, 19h, 20, le 20 juin 2013, très important le 2013, dans le cadre des Francofolies. Dans le fond, allez sur le site des Franco puis cherchez Peter Peter. OK. Puis, si vous ne trouvez pas, lui, cherchez leur mère, Mother. Ou leur cousin, Radio. Oui, mais il y avait aussi Orange, mais depuis tout à l'heure, j'essaie de la plugger, ça marche pas, maudit. Ça. Moses. Ils s'en vont au salon de bronzage, ils sortent de là, Orange. ma blonde, c'est comme une orange, à chaque jour, je la pluche. Ou je la pluche. En tout cas, c'est ce que je veux dire, c'est ça ma joke. Et je l'épluche. C'est épluche, ta blonde. L'épluche. Elle a des coups de soleil, puis tu enlèves la peau morte. C'est un peu dégueu. Ouais, vraiment. Mais j'essaie de comprendre. Non plus, j'ai pas compris. Tu parlais de ses vêtements. Ben oui, c'est une joke de déshabiller. Oh, j'abandonne. Moi, mange-le donc, toi. Ouais, la poutine. Ah, là, tu vois, ça. Ah, il est parti. Ouais. Go, Fiona. Donc, on va retourner. Merci, Justine. Ah, ça me fait plaisir. J'étais pas très focus aujourd'hui, je m'excuse. Mais. T'en reprendras la semaine prochaine. Je suis vraiment là, trop chamboulée par mes émotions envers Peter. Là. C'est pas bien, ça, être en amour avec un garçon. Non, c'est malsain. Moi, je trosse pas ça, ce monde-là. Les hétéros, comment ils appellent? Les hétéronymes. Comme c'est quoi, les hétéroflexibles? Hétéroflexibles? Je sais pas. Ah, autopédéraste? Quoi? C'est pas ça le mot de gars qui est capable de ça. Mais je suis pas sûr. Non! Pas sûr de ça. C'est juste à toi de dire de genre des gens qui sont comme flexibles dans leurs orientations. Bicurieux. Ah, bicurieux. Hétéroflexible aussi, ça se dit. Ah, non, mais c'est plus que bicurieux. Bicurieux, c'est juste aller voir. C'est pas... Être. Avoir des sentiments. Ce n'est pas être. Ce n'est pas être ici. Ici. On s'en va où? Bon, Messi. Mot, t'as dit non, on va-tu nulle part. Il nous reste une quinzaine de minutes avant l'arrivée de Véronique Mire et la lettre V aujourd'hui dans De Zedar. Ah, j'aime cette lettre-là. V pour Véronique. Oui, V pour... Ben, ça aussi, j'ai déjà fait. Ouais. Ah, ben, j'étais pas là. Ah, V okay. pour une chaîne de télé qui a changé de nom puis ça a fait aucune controverse parce que tout le monde s'en contre sacre de V. Non, mais V, c'est comme... C'est rien. Ouais. Exact. On retourne... au palmarès avec la position numéro 12 qu'on avait commencé à tâter tantôt, la 12e, on avait tâté et finalement Simon est venu dans la personne de Jean-Philippe. Oui. Donc on est passé à autre chose. Ouais. Bizarre d'une main. Donc on va y retourner flexible. Position numéro 12. Ah oui, hétéroflexible. Steph, position 12. Donc on va entendre With Her Shadow de Born Ruffles. Ah, tu l'avais aimé tantôt, aimé prononcer. Calvaire. Donc, restez là. Au retour, juste après. Ruffian. Juste après. Bon Ruffian. Ajoute ça à ton agenda. Ouais, puis là, il va rester. Il restera pas longtemps avant le tirage des billets là, pour le Rockfest. On fait ça dans la chronique. Ajoute ça à ton agenda dans quelques secondes. Ah, oh, c'est bon ça. C'est ouais, bon. Concept, c'est de l'homogénéité. Je veux le mot. Flexibilité. Le mot, flexible, c'est ça. Silhouette, oh, silhouette, oh, la position 12 anglophone, c'était Born Ruffians et Wither Shadow qui montent de cette place. C'était nouveau la semaine passée. Toujours à son âge à la plage avec Jean-Philippe. Stéphanie Paradis. Ah, oh, mais non, mais t'as ouais. juste dit Jean-Philippe. Ouais. Stéphanie. Mathieu. C'est ça. Ouais. Ou encore Charbonneau. Paradis. Plante. Chabonneau Paradis Plante et associé. Et évidemment. Al. Et Al, associé qui, en ce moment, est avec notre plus grand honneur. Et c'est un privilège pour vous de recevoir Véronique Mire. Wow, c'est gentil, merci. Ça me fait plaisir d'être là. En fait, l'honneur est plutôt dans votre camp. Oh, après la balle dans ton camp. L'honneur est dans ton camp. Voilà. Ben, un camp de vacances, ça aurait été une pas pire place pour faire ça, mais on est pogné sur la plage, comme tu peux l'entendre avec la musique de radio, de musique de surf qui joue derrière nous. Ben oui, moi, je trouve que c'est plus une toune de saloon. Saloon. J'ai le goût de tirer plus vite que mon ombre. Donc, Véronique Mire qui est là pour la chronique de Z à A toutes les semaines. Et on a fait jusqu'à maintenant Z. On a fait Y, X, W. On est rendu à V. On est rendu à V. Ave Maria! Ave Veronica! C'est là qu'on est rendu. Et oui, puis ben comment mieux commencer que par la plante? Véronique! Je m'en allais dire la plante verte. C'est bon. Une plante qui s'appelle Véronique, qui en fait herbacée à fleurs mauves. Et t'es habillée en mauve et tu t'appelles Véronique. C'est... Oh, ça fait! Hein? Il y a pas d'affaires drôles qui arrivent, mais c'était même pas voulu. Puis voilà. Voilà. Je vais le faire à chaque mot que tu vas utiliser qui va commencer par un V. Voilà! Ça va être agréable. Ça va être long. Comme les rah-rah de la semaine passée. C'est en fait, elle doit son nom à la Sainte Véronique, hein, évidemment, qui a découvert la plante, qui aurait plutôt recueilli un linge portant les traits du Christ, hein, vous savez, là, les trucs là, dans le temps. Puis grâce à ce linge-là, elle a guéri l'empereur Tibère de la lèpre. Aha! Hein, quand même. Donc, la lèpre existe encore dans certains pays, hein, et la Véronique est utilisée pour guérir la lèpre. Et c'est aussi appelé le thé d'Europe. Ah! Va savoir. Mais bon, c'est ça. Le thé d'Europe. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que c'est aussi une figure de tauromachie. Hein, donc, pas les conquistadors, mais ceux qui se battent là, contre les taureaux. Matador. Ouais. Mmh. Matador. Okay. Donc, c'est une figure de tauromachie. Ça, c'est l'art de combattre les taureaux dans l'arène, au cours de laquelle le matador fait passer le taureau le long de son corps. Oh! Watata, hein? Super. Donc, voilà pour la Véronique. Ensuite, un autre mot pour dire des valises. Valise, attends un peu. Non. Mon pack-sac. J'ai juste ça en tête. Je sais pas. C'est vraiment pas un mot très connu. C'est valoche. Valoche. Oh. Eh ben. Et voilà. Hein? J'aurais jamais dit. Allez, prends tes valoches. Ouais. Prends tes valoches des gosses. On dirait le frère à Fardoche. Valoche. Ensuite, ben, un animal sympathique qui commence par V. Une vache. Une vache. C'est pas sympathique, ça, une vache. Ben oui, c'est sympathique. On dessine, sont sympathiques. Ben oui, ça fait fou le rien. Ouais. Allez voir ça dans les expos quand il y a des vaches. Elles se laissent allègrement flatter. Hein? Puis c'est vraiment comme des chiens. Vous flattez une vache, puis elle se colle la tête sur vous. Que vous continuez. Oh, c'est cute. C'est vraiment spécial. Ben là, je veux donc bien une vache domestique. Essaye ça. Tu vas voir, c'est quelque chose. J'ai tenté l'expérience, c'était passé, puis je suis sortie de l'expo en me disant que c'est le plus beau bout, c'était la vache. Vraiment, là. Moi, j'ai vu dans une expo agricole, une vache qui avait fait un trou dans l'estomac, tu sais, puis ils ont mis du verre. Là. Fait que tu vois à l'intérieur de la vache. Hein, ouais. C'est pas fin, ça? Non. Ben, c'est comme une vache. Vive, oui. C'est une vache scientifique. Là. Ah, c'est cool. Une vache scientifique. C'est là pour voir ce que ça fait. C'est spécial, ça? You. Quand même. Ouais. Elle aussi, elle a besoin d'affection. oui, pas mal. Ben, une vache qui aurait pas vêlé, hein, donc qui aurait pas donné monde là, à des petits veaux, ça s'appelle une vachette. Vachette. Voilà. J'ai trouvé quelque chose de bien comique en regardant vache sur Internet. Je suis tombée sur le site des adorateurs de la vache depuis 1997. Ah, il y a toutes les sortes de fantasmes. Il y en a-tu, hein? Lavache.com. Ouais, lavache.com. Lavache.cow. Ça va être encore mieux, vraiment. Puis, ils disent, leur intro, c'est « Pour tous les amoureux des vaches de la campagne et de la nature, la vache est universelle. » Elle nous porte un regard calme et bienveillant. Oh, c'est quasiment triste quand t'as ça comme passion. Oui, mon Dieu. Ouais, généreuse, réelle, mythique. La vache est une sirène rustique. Sauf qu'elle a des pattes en arrière. On n'y avait pas pensé. Comparé à une sirène. Okay. Quand même. Puis, ben, sur cette page-là, vous avez la vache du mois. Là, il y a une photo de la plus belle vache selon eux. Ah! Mais le site n'a pas été mis à jour depuis 2006. Fait que là, je me demande si les adorateurs de la vache sont où, là. C'est qu'il n'y a eu aucune belle vache depuis 2006. On met ça au pluriel, mais il est peut-être tout seul, là, la personne. Il est peut-être dans son sous-sol, dans sa ferme. Ça, mais je pense qu'il y a un nombre de visiteurs sur le site, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, où sinon... Il est là avec son play-cow, puis il se fait plaisir. Puis il mange de la vache qui rit tous les soirs. Aïe, aïe, aïe, aïe, ouais, peut-être. Vous avez les jeux de vaches aussi, comme la vache à traire. C'est vraiment drôle, des coloriages, des fonds d'écran. Assez comique comme site. Mais bon, coudonc, il y en a pour tous les goûts, hein. Proverbe avec vache. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Ah ben oui. Fait que quand quelqu'un, là, tu trouves qu'il se mêle pas de ses affaires, ben tu dis toi, là, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Voilà. Hein, à place de dire, va chez mange de la merde. Oh! Je censurer ici. Ouais, fait que c'est plus poli. Des expressions comme pleuvoir, comme vache qui pisse. Hein? Ça en sort des bonnes, cette semaine? Abondamment. Abondamment. Pleuvoir dru. En France, on dit mort aux vaches plutôt que mort aux cochons. Hein? Pour les policiers. Les policiers sont des vaches en France. Eh bien, ça, je sais pas ça. C'est spécial. Dire de quelqu'un qui vous prend en traite, on peut dire que c'est un maudit vachard. Un vachard. OK. Tu insultes quelqu'un, tu sais, tu vas insulter quelqu'un, tu dis « Toi, là, t'es pas mal vachard. » Puis là, il est comme mêlé. C'est quoi tu veux dire, tu sais? Puis là, il dit « Non, non, mon nom de famille, c'est Bouchard. Oh! » Oh là là, t'as bien tombé. Ouais. Oui, ici, il y a une belle... je suis allé sur le site de lavache.com. Alors, voici la vache du mois de mai 2016. C'est vrai qu'elle est vraiment la sexy. La toute dernière. Elle a tout un pif. Ouais. Elle me donne faim. C'est bon, ça. On mange pas la vache, hein, on mange le bœuf. Hein. Ou les cornes. Hein? Non, non. C'est bon, mais quand ça a des cornes, c'est pas supposé être un bœuf? Un monsieur. Ben non, ouais. Toutes les vaches ont des cornes, en fait. Ah ouais? Oh. Ouais. Comme les chèvres. Faut croire là, que... comme on a comme un instant de sceptique. On faut croire que je suis pas fan de vache. Hein? On met pas notre main dans le feu là-dessus, on revient là-dessus. On met notre main à quelque part dans la vache. Yeah! Non, pas trop. Si on dit qu'un amour violent et passionné, ben c'est un amour vache. OK. Hein? Moustache! Quand même. On entend souvent. Ça doit venir de là. Toi, ma vache! Ou dire que quelqu'un parle mal en français, ben parler français comme une vache espagnole. Oui. La Chine à Jacques et la vache espagnole s'entendent très bien. Bon, voilà. Hey, puis t'as parlé de vache qui rit tout à l'heure. Oui. Puis voilà, je dis ça très souvent, tout le temps. Et vache là, ben aujourd'hui, j'ai l'occasion de le dire quand je veux, n'importe quand. Puis là, ça fit dans la chronique. Voilà. Hein? Encore. Faudrait compter le nombre de fois que je vais le dire. La vache qui rit, on a parlé tantôt, ça a été inventé en 1921. Puis la grosse, si on veut... pas caractéristique, mais ce qui étonne les gens de la vache qui rit, c'est que sur la boîte, vous l'avez sûrement remarqué, là, c'est une mise en abîme. Oui, oui. Avec les boîtes, les bouts d'oreilles de boîte, bon, et tout ça. La vache porte elle-même des petits fromages sur ses oreilles. C'est ça, c'est ça. Puis maintenant, avec les technologies, hein, c'est possible de faire une mise en abîme à l'infini. Avant, on pouvait pas faire ça. À un moment donné, là, il y a Escher, vous connaissez Escher qui a fait la main qui dessine la main, puis tout ça. Ben lui, quand il faisait ses mises en abîme, au milieu, il y avait un trou à un moment donné parce qu'il pouvait plus dessiner aussi petit. Ben, ouais. Mais maintenant, avec les technologies, on est capable de le faire. Le groupe qui a la vache qui rit, c'est Bell. Ben, pas Bell, les communications, mais B-E-L. Puis, selon eux, il y aurait 125 portions de vache qui rit consommées à chaque seconde dans le monde. C'est vrai que c'est bon, ça, pour moi. C'est bon. C'est bon avec des chips, en pense. Ouais, prenez un petit bout de chip là avec un petit craquelin. Si, c'est bon. J'ai faim. Très bon, très bon. David, reviens. amène des vaches qui rient. Puis, ben, il y en a qui ont essayé de faire compétition, hein, la vache qui rit. Une compagnie qui a créé la vache sérieuse. Pour vrai? Ah. Oui, oui, la vache sérieuse. Je l'aurais appelé la vache bête, moi. Oui. La vache bête. Vache folle. Vache folle. Ben, leur slogan, c'était le rire est le propre de l'homme, le sérieux, celui de la vache. La vache sérieuse, on la trouve dans les maisons sérieuses. Oh, wow. Hein? J'en veux pas de ce fromage-là. Non, mais ça date, en fait, de 1959. Là, ils ont perdu leur procès de contrefaçon. Là, fait que ça a été bye-bye, vache sérieuse. Mm-hmm. Ça n'a pas marché. La vie dure en un mot. Qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Dure. V-I-D-U-R-E. Non. Comme de la verdure, mais... Mettons qu'on va à la chasse. Puis là, on chasse un gros orignal, puis on le vide, là. Ben, tout son vidage, c'est de la vie dure. C'est de la vie dure. Et voilà. Ouais. J'ai déjà marché sur de la vie dure. Ouh! Et bon appétit tout le monde! Les vers de terre. Les vers de terre qui ont une respiration cutanée. Hein, donc, ils respirent par leur peau. C'est pour ça que quand ils deviennent tout secs, ils meurent. Parce qu'ils n'ont plus d'air. Donc, ils meurent. Ça veut dire que si on trouve un ver de terre qui est en train de sécher, on pourrait le réhydrater? Ben oui, ben oui. En crachant dessus. Ben, c'est mieux qu'une autre option. Ben oui, quand même, c'est assez intéressant. Respiration cutanée. Ben, coudonc. Dégueu, hein? En Amérique centrale et du Sud, il y a des vers de terre qui peuvent atteindre 3 mètres de long. Ben non! Mais toujours en étant aussi... Ouais, le même diamètre. Ben, je pourrais pas répondre à cette question, mais... Parce que s'il est gros, mais mince, ça va. Oui, il doit pas être proportionnel. Ben, il doit pas... pas de sens. Grosseur humaine, ça, on appelle ça des anacondas. Oui, c'est ça. C'est plus les vers de terre qui servent d'appât, c'est l'inverse. Faut que tu le scies en deux, genre, pour le... Là, tu le scies en deux, ça en fait deux. 3 mètres, assez, ouais. En tout cas, système circulatoire du gros ver de terre, c'est parce que j'ai gros vaisseau. Là. C'est un gros vaisseau dorsal contractile, 5 à 7 paires de cœurs pour le ver de terre. Ah, c'est pour ça quand tu le coupes, il reste vivant. Voilà, c'est ça. Donc, quand on coupe le ver de terre en deux, ben il y en a beaucoup qui pensent que les deux bouts restent vivants. Mais en fait, la plus petite partie va mourir. Ah, plus tard, reste comme genre en vie temporaire. Ben, ça dure pas très longtemps, quelques minutes. Si on le regardait souvent, on va le regarder, on va dire, il bouge, mais on reste pas là pendant 10 minutes à regarder le ver de terre. À un moment donné, il y a une des deux parties qui meurt. Et si tu le coupes exactement dans le milieu? Ben, sûrement que ça fonctionne. Je l'ai pas essayé, mais quoi qu'il y ait 5 à 7 paires de cœurs. C'est un test à faire. Ils sont répartis sur... Si vous êtes pas trop dédaigneux. Mais après ça, est-ce qu'ils peuvent croire ensemble faire d'autres verres de terre? Oh! Consanguin! Ils sont consanguins du verre de terre. Quand même. Mais la plus grosse partie survit parce que tous les segments sont semblables du verre de terre, sauf le premier, où il y a la bouche, puis le dernier. Et le comment-ci? Où il y a on sait quoi. Ça veut dire que si tu le coupes en deux, il y a la partie qui manque qui va repousser là? Oui, elle repousse. Donc, c'est quand même assez bien fait. Il ne sera pas privé d'organes essentiels. Mais le ver de terre remonte dans mon estime. Hein? Quand même. Pas de beaucoup, mais belle quand même machine. Puis je vais piler dessus pareil, mais je vais faire attention. Attention. Puis, malheureusement, il faut faire attention au ver de terre parce qu'ils sont en train de disparaître. Moi, en tout cas, les écologistes s'inquiètent beaucoup. Parce qu'à cause de l'agriculture, avec les pesticides et tout ça, les vers de terre disparaissent. Puis eux, c'est ce qu'on appelle une espèce clé pour faire vivre les sols, respirer les sols et tout. Puis là, à cause des pesticides, les mâles, entre autres, ont des problèmes endocriniens et tout ça, d'hypofertilité. Donc, plus de bébés vers de terre. Oh non! Zut alors! Puis là, s'il n'y a plus de vers de terre, les oiseaux... Puis là, etc. Le cercle de la vie. Cercle de la vie. À couleur matata. Il va mal en ce temps-là. La couleur vert. Ah, ben oui. La couleur vert, c'est associé au monde végétal. Oui. Bien sûr. C'est aussi une couleur dite apaisante, rafraîchissante et tonifiante. Couleur des Irlandais. Aussi. Tu peux aller tout droit, feu de circulation. Oui. Oui, puis dans cette idée-là, sur les bateaux ou les avions, quand on veut indiquer le côté tribord, ça c'est droite. Oui. On met le vert. Puis si on veut indiquer le bâbord, on met le rouge. On va savoir. Si jamais vous vous retrouvez en catastrophe à conduire un avion ou un bateau, peut-être. C'est associé à l'espoir, la chance, comme on le sait. Mais aussi, c'est peut-être Stéphanie, tu étais au courant au niveau de Molière? Molière. Ouais, je connais Molière. Molière et le verre. Hein? Molière et le verre. Non, je sais pas bien. Ben, quand Molière est mort, il portait un vêtement de couleur verte. Donc c'est maintenant, on sait pas. Quelqu'un qui aimait pas le vert qui l'a poignardé. La couleur verte est bannie des théâtres à cause de ça. Hein, pour vrai? Ouais. Hein, je savais pas ça. C'est quand même intéressant. On dit aussi que le vert est reposant pour les yeux. Donc, si vous voulez diminuer votre fatigue, moi, ma chambre est verte, ça marche. Faut reposer le soir quand je me repose. Mais mon lit est de la merde, fait que je dors mal. Mais surtout que tu dors les yeux fermés. Aussi. Faudrait que tu te peintures l'intérieur de la paupière. Non, c'est bon, c'est bon. Des solutions à tout. Un valet, c'est un domestique, comme vous le savez. Mais mettons qu'on est bien riche et qu'on en a plusieurs. Ben, ça s'appelle de la valtaille. Comme de la volaille. Ah! Oh, c'est tombé réducteur. Ça goûte quoi? Spécial, hein? C'était tu, Clément. Ouh! Ça doit goûter de poulet. Ça goûte tout le temps de poulet. Poulet valet, quand ça rime, c'est pareil. C'est ouais. Poulet, ça goûte le poulet, supposément. Mais bon, je ne ferai pas le test du ver de terre, peut-être, mais le test du corps humain, non. Pas prêt. Ah, pour vrai, je pense que j'aimerais mieux manger un valet. Ben, oh! En bacon, d'être parfait. Ouais. Bon, ça dépend de la sauce. Oui, c'est ça. C'est ça la clé. Ouais. Le vent, pourquoi le vent nous rafraîchit? Mm-hmm. Vous savez? Moi, je pense que j'ai déjà su. C'est pas parce que notre évaporation. Moi, il fait sécher l'eau, la transpiration, les vents de l'affaire. Ben, vous êtes pas loin, en fait. C'est parce qu'en dessous du petit duvet là, qu'on a sur la peau, il y a une couche d'air qui est enfermée là, qui nous isole. Puis quand ils ventent, ben la couche d'air s'en va. Donc, ça nous rafraîchit. Puis ceux qui ont un air de fendant, ils ont deux couches d'air. Ça veut dire. Ceux qui ont quoi? Un air de fendant. Ouais, eux autres, ils en ont épais pas mal. Ça bouge pas. T'allais dire, JP? C'est pas une mauvaise blague. Elle devait être aussi mauvaise. Fait que... Parfait, merci. Oh. Toutes les blagues sont bonnes, voyons. Il y en a toujours un qui ça fait son affaire. Avant d'aller en musique, on va finir avec Veni Vidi Vici. Tu veux dire? Je suis venu, j'ai vaincu. Et voilà. Bien dit. Qui a prononcé ces célèbres paroles? La salade. César. Voilà, c'est César. Hein, donc ça date. Puis ben c'est pour dire un tout succès foudroyant. Oui. Ça a été réutilisé par les merveilleux Ghostbusters. Ah. Je sais pas si vous vous souvenez quand ils battaient le bonhomme Chamallow. Ben oui. Ouais, c'était pas peur. En anglais, ils disent « We came, we saw, we kicked its ass ». Ce qui devrait dire « On est venu, on l'a vu, on lui a botté le U hein? ». Mm. Mais ça a été traduit par « On est venu, on l'a vu et il l'a eu dans le U ». Voilà. Ah, donc, étrange traduction. Hein? De là, on ne parle pas de la même chose. De là, pourquoi toujours écouter ces films en version originale? Eh oui. Ça prend un autre sens. Pause musicale. Oui. On entend la musique. On s'en va entendre. Tu sais, César, là, c'est pas lui, César, qui chantait, là. I don't feel like dancing, là. Oh non, ça, c'est les César Sisters. Les César Sisters. On va entendre un groupe qui commence par V. Voici The Vaccines et Teenage Icon. César Sisters, j'ai trouvé 40. Ben, pas pire. Il y a toujours des bons liens à faire. Je m'attendais pas à ça. c'était Teenage Icon de Vaccine. Et ta préférée? Ay, j'aimais ça. C'est estival à fond. Ah, tellement. C'est la chronique ZA avec Véronique Meir. On parle de la lettre V aujourd'hui. On a déjà fait un bon gros morceau de V, mais il nous reste des petits V. Oui, des petits V. Des petits V. Comme l'espérance de vie. Oh. Donc, en 2012, hein, c'est les dernières données. L'espérance de vie a progressé au Québec de 36,5 jours. Ah, ben, quand même. Youpi. Donc, les hommes vivent jusqu'à 79,8 ans. Et les femmes, 83,8. Bien. Hey, c'était pas plus haut que ça. Mais je pensais que c'était genre 86, la femme. Ben, non. Je suis dessus. L'année prochaine. Au Québec. Check-moi bien défoncer ça. C'était 83, là. Ben oui, c'est la moyenne. Hein, mais c'est quand même bon, là. Pour vrai. Vas-y, garde-toi, tu sais. Même garder certain. Hey, écoute. Puis, ben, l'écart entre les hommes et les femmes a beaucoup diminué avec les années. Dans les années 70, c'était 8 ans d'écart. Puis maintenant, ben, c'est 4 ans. Ben, j'imagine que ça a un certain rapport avec le fait que les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant. Genre, et non pas rester à la maison, s'occuper de la famille. Peut-être que ça a rapport. Non, mais je pense que c'est plus les hommes qui ont monté. Puis les hommes ont arrêté peut-être de faire des trucs comme très physiques. Oui, oui. Ouais, c'est peut-être plus peut-être l'égalité des sexes, je sais pas. On lance des bonnes hypothèses. Ben ouais. J'avoue que c'est plus rare aujourd'hui de voir un homme aller chasser le mammouth à main nue. Mais des fois, ça peut nous arriver, hein, Trois-Rivières. Ça peut arriver. Ouais, ouais, aux forges, là. Ouais. Faire attention. De fois, un bizarre, mammouth. Ah, oh, ouais. Ben, c'est une des espérances de vie les plus élevées au monde. On est chanceux d'être au Québec. Mm-hmm. Au Canada, elle est déjà moins élevée. 81,48 en moyenne. Ah, ouais. Aux États-Unis, 78,49. Les plus élevés, ça doit être en Asie. Plus élevé à Monaco. Ah ouais? 89 ans. Presque 90. Ouais, Monaco, me semble, ils font juste se faire bronzer en monokini, eux autres. Ils sont pas pauvres non plus. Hein? Ils pour ont pas trop... la légalisation du monokini. Pour les Puis la plus basse, ben, c'est au Tchad. Hein? C'est plus où basse, ça, le Tchad? En Afrique. Ah, c'est pour ça que tous les petits-enfants s'appellent Chad partout. C'est en hommage à l'Afrique. Et non pas un personnage dans un téléroman. Non, tous les enfants s'appellent Chad de ces temps-ci. T'as Brooke, Chad. Oui. Non, non, vous ne connaissez non, pas personne. Non, que... non, non. Les petits-enfants qui naissent récemment ont tous des noms Chad. De One Tree Hill, genre. Ouais, c'est ça, genre aux États-Unis. Non, au Québec. Je sais pas. Ah, bref. Eh ben, je connais pas de bébé de Chad. Eh ben, j'espère. Donc, Chad, c'est 48,69 ans. Vraiment bonne baisse, là. Si on veut dire all-in en français, ben plutôt que de dire tout dedans. Ça, j'allais dire, mais tout dedans. On dit va tout. Va tout. Tout. Non, non, non. Va tout. Jamais. Et non, moi non plus, je suis contre. Non, mais ils vont tout simplement te. Voyons. Ils comprendront pas ce que tu veux dire. Ils vont te sacrer dehors de la table. Là. Ils vont te bannir. C'est ça que je voulais dire. Mon maudit fende. Ah oui. OK, va tout. Enlève-toi une couche d'air. Le varin. On n'a pas le droit de dire ça à radio. Le varin. Le gros reptile, le carnivore, le varin. C'est de ça que je parlais aussi. Quand elle sort son varin, puis qu'il se met à faire... Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, non, parle pas de son, parle pas de son. D'accord. J'ai vu avec des dents. Là, on ne sait pas que les mêmes varins. Non. Oh. Mon Dieu. Une blague de varin, on n'attend pas une autre. Ah! C'est sans varin. Sans varin. Arrête. Oui. Ben, il y a des dents, le varin, justement, mais le dragon du Komodo, hein, c'est le plus violent. On va dire dragon du Komodo, d'accord? C'est banni okay, maintenant, on n'en parle plus. Lui, il a des dents de 2,5 cm de long. Quand même. Sa salive est souvent teintée de son propre sang parce que sur ses gencives, il y a du tissu gingival. Ah! Et quand il mange, ben ça se déchire tout. Donc, sa salive est teintée c'est de sang. C'est tombé une bête de l'enfer, diabolique. C'est vraiment dégueulasse. Encore plus qu'à cause de tout ce sang-là, on a trouvé 57 souches de bactéries dans sa bouche. Est-ce qu'il y a une semaine par mois où c'est pire? Elle sait pas, hein? Seulement chez les varins femelles. Les varins femelles. Elle va un peu plus. Oh, mais peut-être morceaux venimeuses aussi. Okay. Voilà, c'était ça pour le dragon non, on de continue, Komodo. On continue. Ça n'est que ça que je veux, malheureusement. Le vaudou. Oui, oh oui, vaudou. Hein, le vaudou. Donc, les cérémonies vaudou ont lieu le vendredi, samedi ou lors d'occasions spéciales. On utilise la Florida. Ça, c'est de l'eau de Cologne. Ah, OK. Le chanteur. Là. Eh oui. Florida. Ça prend à lui, tu sais. Juste celui-là. Il est là. Ce jour-là. L'eau de Cologne, ben, on s'en asperge et on s'en sert aussi pour laver les planchers. Ou toute autre marque d'eau de Cologne peut faire l'affaire, mais c'est elle qui est la plus utilisée. Vous avez les guédés, qui sont les esprits des morts, qui sont plutôt honorés en novembre. Ils disent que c'est quoi leur Halloween à eux. Ils utilisent des hochets qui sont faits avec des courges. Certains hochets peuvent valoir 10 000 quand c'est béni et tout. Là, ben, en tout cas, peut-être, probablement pas qu'ils disent qu'ils l'ont béni, là, mais bon... Autre rituel semblable. Ouais. Voilà, ça peut être 10 000 $. Les jumeaux, selon les vaudous, ils vouent un culte aux jumeaux parce que, bon, le caractère mystique là, du double. Si t'en fais ça un, les deux, le sens, puis non. Peut-être. Ils capoteraient à parade d'eux autres à Montréal. Tellement. Oh, il y en a-tu? Vous avez les Loas. Le vaudou, c'est une religion monothéiste. Il y a le grand maître. Le grand maître? Donc, le grand maître, qui est le dieu. Du vaudou. Puis il y a le 401 esprit ou l'Oas, dont le baron samedi, que vous connaissez probablement. C'est le nom, c'est quelque chose. Oui. Le plus connu, et il a apparu dans le James Bond, le vieux James Bond. Lui symbolise la mort. Les poupées vaudou, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si utilisé, puis même que ça, c'est plutôt pour être publicitaire. Là. Bon, les poupées vaudou. Oh, c'est plate, c'était le plus cool. Il y en a pas. Ben, ils disent, ben, ça peut se faire, ça pouvait se faire, ça pourrait se faire. Mais. Moyen. Parce que la magie vaudou, ils disent que c'est une façon rapide de se débarrasser du problème, donc ils font pas vraiment de magie en tant que telle. Bref, c'est un peu cliché, toute l'histoire de la poupée. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait des meilleurs films. Effectivement. Celui qui pratique le vaudou s'appelle un wangateur. Hein, on aurait pu parler de ça la semaine passée. Avec un W. Wangateur. Puis à l'Université de Montréal, il y a un cours de spiritualité africaine et créole qui donne des notions de base du vaudou. Cool. Ouais. Victoria's Secret! Non, oh, oui! Tu sais. Ben, ça, j'aime ça. avec le parent. Malheureusement, elle n'a pas d'exemple à nous montrer. Non! C'est pas ta job! les anges de Victoria's Secret qui représentent la marque depuis 1997. Dans les premiers anges, il y avait Tyra Banks, qui est bien connue comme top model. Puis, ben, ils ont même une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, les anges de Victoria's Secret. Mm-hmm. Puis, à chaque défilé, vous savez qu'il y a un défilé par année, là, un gros défilé où il y a des chanteurs qui sont invités et tout. Mais il y a le Fantasy Bra. Hein, c'est un soutien-gorge qui vaut des millions de dollars. Le premier, en 1996, s'appelait le Million Dollar Miracle Bra. Miracle Bra. Ils ont sorti ça récemment, un Miracle Bra. Après Miracle Whip. Miracle Bra. Valait 1 million $ porté par Tyra Banks, évidemment. 100 carats de diamants et des pierres semi-précieuses. Ah, tu m'as rien par-dessus, hein? Tu veux le montrer? Ben, il y en a beaucoup des modèles qui se plaignent de ces. Parce que souvent, ça vient avec les bobettes, là, qui sont aussi faites en diamants. Ils se plaignent après que c'est pas très confortable. Ben non, ça doit quand même être plus pesant. Pesant. Ça doit pas être agréable. Les bobettes te tombent seules. Oui. C'est pas super pour le confort. Mais celui qui a valu le plus cher valait 15 millions de dollars. Le Red Hot Fantasy Bra and Panties, bien sûr. Porté par Gisèle Bundchen. Là, il y avait 2900 diamants, 22 rubis. Un diamant parfait en forme de poire. C'est pas un peu comme inutile et exagéré et extravagant. Oui, ben c'est pour la marque, hein, vraiment. C'est incroyable. Pour taper à l'œil. Puis, ben dans ce temps-là, c'était en 2002, ils ont eu le... record Guinness là, du soutien-gorge le plus extravagant et le plus coûteux. Mais la marque Suzanne Ronsons, qui fait des bikinis, a battu ça avec un bikini à 20 millions de dollars. Ah! On disait que c'était le teeny weeny pricey bikini. Voilà, pour la Victoria's Secret. Hey, il y a une toune sur le nom de ce bikini-là. Ah oui? Moi, j'ai déjà entendu une toune avec ce nom-là. C'est bizarre. Ouais, ça, c'est Itty-Bitty, Teeny Weenie. Pas de cadeau de bikini, ouais, c'est une chanson. Mais moi, ça, c'est ça. Le nom. Française, ouais. la vanille. Vanille. Ah, c'est bon, ça. Ah, le Coke vanille dans le temps. Oh, pourquoi? Je sais. Je n'aime pas la liqueur, mais je buvais du Coke vanille comme. Il y en a dans certaines sections des États-Unis encore. Pour vrai, ça se fait encore. On se fait un road trip? Oui. On ramène du Coke à vanille. Ben, vous avez aussi le site numéro 1 des amoureux de la vanille, goussevanille.com. Ah, compris. Il y a la gousse du mois, puis tout. Oui. Ben, ça a été découvert au Mexique par les Aztèques qui s'en servaient pour faire leur chocolat chaud hein, à saveur de vanille. Oh, miam. Mmh. C'est Christophe Colomb qui a tenté de le rapporter en Europe. Le problème avec la vanille, les orchidées qui produisent la gousse de vanille, c'est que les organes mâles et femelles sont séparés. Il y a une membrane étanche qui s'appelle le rostellum. Ouais, ouais. Qui couvre les organes mâles et femelles. Donc, il faut les polliniser soit de façon artificielle ou à la main. Parce que dans la nature, sinon, ça prend une abeille spéciale qui le fait. Sinon, ah ouais, c'est ouvrage, pas grand-chose. Oui, ils travaillent pas, eux autres. Fait que bref, planter ça à la maison, c'est l'ouvrage. Ouais, c'est pas mal d'ouvrage. Hey, mon basilic qui est mort, je vais te laisser faire la vanille. Vanille, pas facile. Ça, tu t'embarques dans quelque chose avec tes Q-tips. Oh boy! Tu déchires le truc, puis il faut pas que tu le pètes, puis là, bon. Ça doit pas être facile. C'est compliqué. Oui, quand même. Trop pour moi. Mais il y a beaucoup de bienfaits à la vanille, hein, contre la fatigue et l'insomnie. C'est paradoxal. Hein? C'est ben un ouais. stimulant nerveux, mais en même temps, c'est un remède aux insomnies. Anti-stress, hein, les chandelles parfumées à la vanille. Apéritif et facilite la digestion. Mmh. Antidéprime, comme le chocolat. Antiseptique, on pourrait s'en servir, par exemple, contre les morceaux de varan. Puis c'est un régénérant aussi. Ben, on la retrouve dans les crèmes anti-âge de Chanel. Ooh. Parce que c'est bon pour la peau. Pour terminer, oui. Les vampires. Ah, yeah! C'est tellement en mode, ça brille au mais soleil. Là, non, non, là, tu parles des vrais vampires. Les vrais, vampires. En fait, moi, c'était pourquoi que on pensait qu'il y avait des vampires qui existaient. C'est ça que je voulais savoir. Parce que tout le reste, on le sait. Oui, oui, c'est ça. Quand même. Donc, avant, là, dans le vieux temps, quand il y avait des épidémies là, n'importe où, là, ben, on avait comme habitude d'ouvrir les tombes pour vérifier si les gens étaient des vampires. Puis là, ben, il y avait souvent des corps non décomposés qui avaient le teint rosé, qui ont gonflé par les gaz, la peau se contractait à cause des gaz. Donc, les cheveux étaient plus apparents, les dents aussi. Donc, on avait l'impression qu'ils étaient des vampires parce qu'il y avait l'air en vie, parce que les corps ne se décomposaient pas rapidement. Puis quand il les transperçait d'un pieu, il faisait un râle hein, à cause des gaz. Donc, il se disait, ben voilà, on l'a tué, le maudit. Hein? Okay, t'es mort deux fois. Putain, vampire. Vous avez aussi les porphyries. Ça, c'est une maladie génétique ou due à une intoxication aux métaux lourds qui fait que la peau se détruit au soleil. Coloration rougeur des dents, des ongles. Les gencives aussi qui deviennent plus petites, donc les dents les qui ressortent. Ça, c'était la version que j'avais entendue. Oui, c'est ça. Mais je ne me serais pas souvenue du nom, mais moi, j'avais entendu, c'était une maladie. Puis finalement, tu racontes des histoires là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Puis en plus, ça peut provoquer une allergie à l'ail. Donc, c'est vraiment tout le truc. Tout est lié, hein, là, finalement. Mais c'est tellement rare que ça pourrait pas être que ça qui l'explique. Il y aurait peut-être la tuberculose pulmonaire. Ou la tuberculose qui était très, très contagieuse dans les années 40, 30. Puis, qui existe encore aussi, la tuberculose. Justement, ceux qui ont le sida et tout, ben, sont plus susceptibles de l'avoir parce que c'est latent, la tuberculose. Donc, elle attend pour nous poigner. Ouais, ça. Maintenant, elle se réveille, puis là, watch out. Donc, les gens crachent du sang, perdent beaucoup de sang. Donc, il y en avait qui consommaient du sang pour compenser la perte de sang, puis devenait sensible à la lumière. Puis comme il y avait beaucoup de contagions avec cette maladie-là, souvent toutes les familles mouraient. Donc on se disait, ben il y en a un qui est mort, lui c'est un vampire, il a tué toute sa famille pour les ramener. Ah ben oui. Donc pourquoi pas? Le monde est gentil de même dans la vie. La rage, c'est la dernière hypothèse. Donc souvent enclenchée par une morsure ou le léchage soit des fois d'une chauve-souris ou des fois d'un loup ou d'un autre animal, un écureuil. L'écureuil, on l'arrange. Il y a deux formes de rage, des conséquences. Forme sérieuse qui fait que les gens deviennent confus, anxieux, agressifs. Puis la forme paralytique. Donc, voilà les hypothèses. D'où prévenir. C'est pas la rage, là, que t'as de la broue, là, sur le bord de la bouche. Ouais, dans ouais. le toupette. Hey, c'est super. La lettre V, qui aurait pu penser qu'il y aurait autant de mots intéressants? Tu nous as pas parlé de Varda Etienne, comme on t'avait demandé, ben donc honte à toi. Tu ne nous as pas fait la biographie complète de Véronique Meyer non plus. Non. Ce sera pour la prochaine fois. Je suis une création pour les M. Les M, ouais, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être, on va pouvoir se reprendre. Donc, la prochaine fois, ce sera la semaine prochaine, la lettre U. Tu me demandes bien qu'est-ce que je vais découvrir sur le U. Plein de choses, ça va être l'ultime chronique... Utopique. Plein de choses uluberlues. Oh! Juste un H encore, hein. C'est quand est-ce que la dernière fois j'ai fait ça? La semaine passée. Oui, la semaine prochaine. Il faut que j'en plug une à chaque fois qui pogne pas pantoute. C'est réussi jusqu'à maintenant. Ouais. Oh. Continue comme ça. Toi aussi, Véronique, continue comme ça. Oui. À la semaine prochaine pour la lettre U dans la chronique ZA. On s'en va prendre une petite pause musicale pour entendre Rara, qui est la position numéro 11. Art and a wife. Et puis après ça, bon, on a plein d'autres choses. Donc, Inky Sexy Time qui s'en vient. On va aussi faire, on avait la chronique avec les billets qu'on a à faire tirer. Oui, pour le Rockfest 2013. Et les paroles des autres. À son âge requis à la plage. Position numéro 12 du côté anglophone. Non, 11, pardon. C'était Rara avec Art and Wife qui monte de 7 places. Et c'est là-dessus qu'on termine une petite troisième heure qu'on vient d'avoir. Ça passe assez vite cette heure-là. Ah, il en reste une. Il en reste une. Fait que rien n'est perdu. Rien ne se perd, rien de secret. Ouais, exactement. Non, rien ne se perd, rien de secret. Par contre, on doit arrêter dans une heure. Donc, on va faire tout ce qu'on a à faire dans la dernière heure. Entre autres, faire tirer les billets pour un événement qui s'en vient dans les prochaines semaines. Oui, mais ben, prochaine semaine, en fait, le Rockfest qui a lieu le 14 et 15 juin prochain à Montebello. C'est en effet dans les prochaines semaines. Ouais, ben, je pense que c'est la semaine prochaine, ça. Ouais. Ah! tac, ça passe vite. Mais les prochaines semaines, même si ça en inclut 10, ça fait partie des prochaines. Ben oui. Ah, ben c'est vrai. T'as bien raison. Ben oui. En tout cas, tant que c'est pas dans les anciennes semaines, on est correct. C'est sûr qu'ils sont encore valides. On a aussi la chronique Les Paroles des Autres, où on va entendre la chanson thème d'une chronique ou émission de l'univers radiophonique de Mathieu Blanc, étant moi. Hein. King Sexy Time s'en vient aussi, alors restez là. Donc, n'importe quel thème autre que celui que je devrais mettre là. Donc, toi, Assemblage Rocket, on va chanter la chanson. Attention, ça s'en vient. Attention. Oh, on est prêts? Assemblage Rocket pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocket pour toi aujourd'hui. Toujours Assemblage Rocket à la plage. Waouh, c'était mauvais ça. Jean-Philippe Charbonneau. Oui, Stéphanie Paradis! Hey, Mathieu Plan! Oui! Yeah! Yeah! Bon. depuis que tu as dit que tu disais yeah tout le temps, je remarque que ça me fait rire à chaque fois, Steph. Bon, mais c'est même pour moi qui l'a dit, là, c'était Mathieu. Ah, ben je me souviens plus. C'est... Mais ça, en tout cas, une traite de fille, c'est ça que tu fais, hein? Maudit, toi, là, m'a t'avoir un jour. Donc oui, c'est la quatrième et dernière heure d'Assemblage Rocket à la plage pour cette semaine, du 3 juin 2013. Et on y va tout de suite en chronique. Voici, ajoute ça à ton agenda. Ajoute ça à ton agenda, c'est évidemment la chronique des arts et spectacles. On vous parle un petit peu d'affaires à faire dans le coin ou ailleurs, là, des affaires qui sont proches de nous autres, des affaires que je trouve sur mon fil d'événements Facebook, finalement. Commençons avec une soirée qui a lieu à Trois-Rivières à l'atelier Silex ce vendredi, le 7 juin, donc demain, pour ceux qui nous écoutent en direct. C'est à 21h, c'est l'atelier Silex. C'est l'événement Kanish Kebab, une soirée dance underground avec ambiance robot clash. Oui, 5 à 7, ça va être le prix Kanish avec ambiance décontractée. Ensuite, à 21h, l'ouverture du grand Kanish dansant. Donc, demain, 7 juin, à l'atelier Silex de Trois-Rivières sur Père Frédéric. Ça coûte 10$ à la porte. Et c'est ça, aller voir et entendre les gens qui vont performer là. Il va y avoir, entre autres, Sébastien Dulude, chroniqueur ici à l'émission pour Va voir, j'y suis. Il va faire le DJ platine à Kanish Kebab, soirée dance underground. Ensuite, c'est moins mon domaine, mais pour ceux qui s'intéressent, c'est le week-end de fermeture du D'Artagnan. Vous savez peut-être que le D'Artagnan ferme au centre-ville. Ben oui. J'ai entendu à travers les branches des affaires de d'autres concepts qui s'en venaient, mais je sais pas encore ce qui est public là-dedans. Mais ça reste dans le monde des bars, tout supposément. À fait. Et ben avec l'endroit que ça a où c'est situé, ça prend bien sûr d'être très très comment dire mainstream, finalement. Ben mainstream. Oui, c'est clair. Bon. Donc, Ladies Night ce soir. Sinon, demain, boîte à chansons avec Vincent Poirier. Et samedi, Beat the Bros. Donc, c'est le week-end de fermeture du D'Artagnan. Pour ceux qui s'intéressent. Ben, parce que je connais du monde. C'est quand même toute une fermeture, là. Toute une fermeture. Ouais, non, c'est sûr que c'est pas mon genre de place non plus, là, mais. Vraiment pas. Ben, ça fait 15-20 ans, hein, c'est là. J'avais la date. Bon, en tout cas, c'est pas c'était 96 à 2013. Non, c'est, ben, j'en parle plus comme du fait que pour dire que ça ferme, tu sais. Au revoir. On au revoir. Parce qu'il y avait quand même des bands underground qui performaient là. Je suis allé voir Radio, mm-hmm. qui a performé au D'Artagnan. Quand même, c'est pas si pire que ça par moment. Ensuite de ça, on a samedi, le 15 juin prochain, non pas samedi là, mais l'autre. L'autre événement, Feu de forêt dans le désert. Donc c'est toujours très intéressant, avec des groupes très très underground, dont Ralwan Gazimoune et Eric Cheneau, plus Marcus Floats. C'est le concert numéro 33 de Feu de forêt dans le désert, samedi 15 juin, dans les locaux de Exact Communication. Ça va faire changement de place quand même, c'est sur des forges au bureau 120. Alors que la troisième saison de la série tire à sa fin pour laisser place à la saison des folies. Des concours de hula hoop dans les ruelles, des drinks dans le parc et des blessures de skateboard. Nous devons malgré nous prendre un peu de temps pour respirer avant le retour de la programmation automnale. Pour ce dernier concert, nous recevons de la visite rare et nous ne le cachons pas. Nous en sommes excessivement heureux, disent-ils. Donc voilà, Fil Forêt dans le désert numéro 33. Est-ce que j'ai dit 33? Oui, c'est ça. C'est le samedi 15 juin. Voilà. Et pour terminer, c'est pas dans le coin, c'est à Thetford Mines. C'est très très loin même, mais ça... À Thetford. Mais ça a rapport avec quelque chose qui nous touche. Oh. C'est Joanie Gagnon. Oh! Tu te rappelles d'air? D'air. Pour, elle a participé à UQTR en spectacle. On l'avait reçue à l'émission. Oui. Elle a animé l'émission dans mes écouteurs. Ici même, assez fou la saison passée. Elle a été juge aussi au mardi de la relève. Elle est partout. Et elle est aussi dans un groupe de musique qui s'appelle Miss Anything. Et elle va être en performance avec Fortune Cookie Club et Imodium. Donc, ouais. C'est au Sgt. Pepper's Pub de Thetford Mines le 12 juillet prochain, 21h. Donc, allez voir sur la page. Il n'y a pas encore d'extrait sonore parce que c'est ce que je voulais faire, c'était jouer une chanson de Miss Anything, mais il n'y en a pas. Ça va être cet automne seulement. Mais on en parle pour que vous sachiez que ça existe. Quand même. Miss Anything, c'est important. Voilà. Donc, voilà. C'est dit. Vas-y, Steph. J'aurais des événements à ajouter si tu me permets. Demain, OK. Ben là, présentement, c'est le festival Danse Encore. Oui. Et demain, au centre-ville, c'est un méga party Zumba. Je sais pas s'il y a des gens qui sont fans de Zumba, mais je pense que ça va être un méga gros party. Juste sur Facebook, il y a 359 personnes qui ont confirmé leur présence. Donc, je pense que ça va monopoliser le centre-ville. Il va y avoir plusieurs profs de Zumba, si on veut. Fait que ça va être un méga gros party pendant plus de 3 heures de la danse en plein air au centre-ville. Je pense que ça va être bien cool. J'essaie encore de convaincre mon chum. Je me dis, il n'y a personne qui va te reconnaître là-dedans. À 400 personnes. Une fausse moustache. Ah, oh mon Dieu. Avec la barbe qu'il y a là, ça ne changerait pas grand-chose. Bon. Et finalement, l'autre événement, c'est ce week-end. En fait, c'est le 8 et 9 juin. Il va y avoir une démonstration de Snowbird et oui, aussi un CF-18 qui vont faire un spectacle ici à Trois-Rivières. Donc, c'est samedi et dimanche. Donc, c'est à partir de 14h30 les deux journées. Donc, c'est 20 minutes de prouesse incluant une montée à 18 000 pieds d'altitude. Ensuite, à 14h50, spectacle des Snowbirds, 50 minutes d'acrobatie époustouflante des plus de 50 différentes manœuvres et formations. Et finalement, à 18h30, une rencontre avec les pilotes et les équipes techniques. Là, c'est clair, là, mon chum va se faire signer le chest par les pilotes. Là, il capote vraiment beaucoup. Wow. Mais pour vrai, c'est quelque chose... Ça arrive jamais, ça, ici. Là, ça fait super longtemps qu'ils sont pas venus. On s'entend qu'il n'y a pas des millions de pilotes... Ben, de millions, OK. Il n'y a pas des milliers non plus de pilotes qui conduisent ces avions-là. Donc, je pense que ça va être tout un show. Et bien entendu, c'est gratuit. Je sais pas comment tu peux faire payer le monde pour voir des avions, en tout cas. Si tu regardes, tu payes. Comme des agents de surveillance, puis regarde, dès que tu regardes dans l'air, t'as comme une contravention de payage. Ben, en tout cas. Fait que bref, je pense que ça va être très intéressant. Je suis tout énervée. Good. Merci, Steph. Hey, de rien. Génial. C'était la chronique Ajoute ça à ton agenda. Eh oui, mais là, on n'a pas parlé du Rockfest. C'est vrai, ben, c'était la raison pour laquelle on a fait cette chronique. Donc, allons-y. Ben, Rockfest. Oui. Rockfest, 14-15 juin 2013. Ça va être à Montebello. Je sais pas si tu sais... C'est une sorte de champignon. Oui, exactement. Ben, une programmation assez intéressante. Là. Rise Against qui va être là, The Offspring, Alice Cooper, entre autres, pour nommer que ceux-là. C'est sur 2 jours. Fait que sûrement des gros parties. Et on a une paire de billets à faire tirer. Imagine-toi donc. Quel annonce incroyable. C'est-tu incroyable, hein? Puis on ferait tirer ça là. Ouais, on parle de l'appel numéro 3. Hein, Steph? Appel numéro 3, je vais y compter moi-même. Okay. D'accord. Venu le numéro. Hein? 3. Numéro de téléphone. Joke! Donc, si vous voulez gagner des billets pour le Rockfest, vous composez le 819-376-5183. Le 819-376-5183. Continuez de laisser sonner, là, ça sonne, mais continuez de sonner, raccrochez pas. Mais non! Par la façon d'entendre, mon oncle Serge qui va être là au Rockfest. Entre autres, avec, c'est quoi j'ai dit aussi, les Vulgaires Machins qui sont là pour parler de groupes de plus de chez nous, mais il y en aura d'autres. On écoute Hitler Robert. Et voilà. Leurs leur font chier avec leur macramé, leurs grands vêtements fleuris et leur air abruti. Et comme s'ils n'étaient pas assez nombreux ici, bon, font des enfants à qui ils donnent des noms de granola. Soleil, la flamme, lui, Gaudier, Marie-Québec, Morissette, Arbre, la forêt, Humus, Langevin. Ce sont des noms ridicules différenciés pour faire contre moi à ces noms granola. Moi, si j'ai un enfant, je lui donnerai un nom méchant. Moi,

C'était la chanson thème de la chronique Les Petits Bonheurs avec Stéphanie Paradis. Oh, c'est bon, hein? Oui, on aime ça. Et évidemment, la chronique Les Paroles des Autres, c'est là qu'on écoute une chanson thème ou une chanson de chronique ou d'émission de l'univers radiophonique de Mathieu Plante étant moi-même. Tu dis pas qui chante la toune? Ben oui, mais laisse-moi le faire. Je vais l'oublier. Donc oui, c'était la chanson Le Bonheur du groupe Archimède sur l'album Le Bonheur, sorti en 2011. Stéphanie, dis-moi, comment est-ce trouvée cette chanson? J'ai tapé Le Bonheur dans YouTube et je suis tombée sur cette chanson. Oh! Mais j'ai vraiment trippé quand je l'ai entendue. C'est carrément. Si je l'avais pas trouvée bonne, je l'aurais pas prite. Prite! Non, mais pour vrai, je l'adore. C'est génial, c'est un très très bon choix. Donc, la chronique Les Petits Bonheurs, qui d'habitude est aux deux semaines en temps normal, et là, est en congé pour l'été. Ouais, c'est ça. L'été, je suis pas heureuse. Non, mais ça, c'est les petits malheurs. Ouais, mais tu vas en faire une cet été à un moment donné, non? Oh, à un moment donné, j'imagine. Quand l'inspiration sera là. Moi, c'est ça, va te tenter. C'est ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui va popper. Ouais. C'est en fait, je chiale un peu plus que je vis du bonheur. Si on avait le temps de chialer, on n'a pas le temps de faire des chroniques de chialage. On devrait le faire l'été aussi. Ben oui, j'aimerais ça. Oui, c'est ça. En plus, on a déjà trouvé un sujet... Ensemble. On a eu bien des affaires ensemble, c'est ça. C'est un de nos passe-temps communs. C'est tout ce qu'on fait. Voilà donc pour les paroles des autres, chronique qu'on fait à chaque semaine, ici même, à Assemblage requis à la plage. Maintenant, on transitionne à une autre chronique parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, on retournera en musique quand on aura le temps, hein, pourquoi pas. Donc, voici Kinky Sexy Time. Oh. On va-tu parler de Varin? Varin! L'animal ou... l'animal... donc, okay. Imite pas Véronique demain. Je l'imite pas. Je sais pas, c'est une blague. La chronique Geek Sexy Time, c'est une chronique en fait pour un public plus ou moins averti, donc des faits sur la sexualité. Mm-hmm. Allons-y de ce pas. Avec le fait que 30% des utilisateurs de. Oh, je pense qu'on commence avec un que j'ai déjà fait. J'ai eu ça quand je fais ça. Stéphanie, tu me diras. 30% des utilisateurs de porno se sentent coupables en regardant de la pornographie. Ben oui. J'ai déjà fait ça. 30%. Ben oui. Pourquoi? Pourquoi j'écoute ça? Qu'est-ce que de l'odaxélacnie? Odaxélacnie. Zélacnie, pardon. Ça a-tu rapport aux odeurs? Non. Audacieux? Ça a rapport avec les varins qui font. Hein? Ah! C'est un running gag qu'on fait depuis les émissions pour ceux qui suivent pas. Donc, c'est une paraphilie, c'est l'attirance sexuelle à mordre, envers mordre ou se faire mordre. Oh! L'odaxélacnie. C'est là que le varin prend tout son temps. Et voilà. comment est-ce qu'on appelle le pays estonien? L'Estonie, oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? les femmes qui se marient là-bas mangent des testicules de chèvre pour garantir la fertilité dans leur mariage en Estonie. Lolicon, c'est un genre de manga ou d'anime japonais où des personnages femmes, mais qui ressemblent à des enfants, sont montrés de façon suggestive. Donc, c'est des femmes majeures qui ressemblent à des enfants qui ont l'air jeunes. Donc, c'est du lolicon, c'est dans les mangas japonais. Ouais, mais ça ressemble quand même pas mal tout le temps à ça, des mangas, je veux dire. Ouais, mais qui ont l'air particulièrement enfantes, genre jeunes. Ouais, de toute façon, ils sont tout nus, fait qu'il y a plus de trucs voilà. Enfantins. 92% des femmes préfèrent avoir un gars qui a un montant d'argent moyen, mais qui est sexy, comparé à quelqu'un qui est très, très riche, mais laid. 92% des femmes préféraient quelqu'un qui est moyennement riche, mais sexy. Ouais, mais tu dis moyen, c'est quand même pas... Tu sais, si tu disais situation précaire... Non, c'est moyen. Mais c'est ça, moyen, c'est sûr. Ben oui, ben voilà. Ben sinon, ça aurait pas été pareil, ça aurait pas été 92% certainement. Ben non, c'est ça. Une personne qui... OK, on a déjà dit ce fait-là dans King Sexy Time que Kellogg, les cornflakes, avaient été inventés pour empêcher les... les dépravés ou ceux qui se touchent, les enfants qui se touchent, les gens qui se touchent. On avait déjà dit ça dans King Sexy Time, que ça avait été fait... Mais bref, parlons-en un petit peu plus pour avoir plus de détails. Oui. Donc, c'est un gars qui était très, très anti-masturbation, le docteur Kellogg. OK. Donc, qui croyait que si t'avais une diète santé, que ça allait réduire tes pensées sexuelles et que ça allait t'empêcher de donc faire des affaires malsaines comme se toucher. Donc, les cornflakes ont été créés pour empêcher la masturbation. Comment tu manges tes céréales après ça en sachant ça? Tu rajoutes des bananes dedans. Ben oui. Je rajoute toujours des bananes dans mes cornflakes. Tu prends du lait avec un plus grand pourcentage de matière grasse. Ben non, je mange santé. Non, laisse-moi. La super maman russe, la femme de Féodor Vassiliev, entre 1707 et 1782, a donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 ensembles de triplés et 4 ensembles quadruplés. C'est possible? C'est possible. Wow! Le plus d'enfants nés à la même femme, la même mère, 69. T'as la part, oui. Oui, ça, j'avais déjà vu ça. Ouais. Ça fait toute une polémique. Le premier vibrateur électrique au monde est arrivé sur le marché 9 ans avant le premier aspirateur. Ben oui. Les priorités à bonne place. Exactement. Hein? Ouais, l'aspirateur sert aussi de... Il y a des gars qui se font ouais, avec c'est les ça, tuyaux. C'est pour du... le, gars. Le côté gauche de la face du visage humain est plus beau et plus attirant que le côté droit, selon une étude. Ton côté gauche est plus beau que ton côté droit. Ah, c'est vrai que t'es beau même. Ah, mais... GP, ah, oh, watch out! Cache-moi ça! Ben oui, c'est vrai que je me fais prendre en photo, je mets tout à ce profil-là devant. Vois, mais vois. Je pense que c'est juste parce que je suis droitière. Ça a du sens. Les gars qui sont accompagnés par de beaux petits chiens ont 3 fois plus de chances d'avoir le numéro de téléphone d'une fille. Ben, tu sais. Ils l'ont même dit là, dans les 101 dalmatiens. Faut pas que t'aies 101 dalmatiens pour que ça marche. Mais tu sais, c'est comme ton affaire là, de 92%. Ouais. Tu sais, si le gars il est vraiment laid, là, ça marchera pas. Ça marchera pas, le petit chien, là. Chien nageur habillé comme la chienne avant. Ouais, mais non, ouais, c'est ça. Au pire, elle va partir avec le petit chien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est juste plus facile d'aller. Tu sais, je veux dire, ça donne une raison. Casser la glace. D'aller ouais. vers la personne. Puis aussi, ben, on s'entend. Si tu dis, oh, le gars, il a mis le petit chien. Fait que c'est comme, oh, c'est cute. Hein? selon une étude récente, oui, qui a été faite en demandant des questions à 16 000 femmes. Donc, c'est quand même une étude quand même avec de gros chiffres. Là. Plus une femme a des courbes, plus elle est intelligente. Théorie là-dessus, je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer à peut-être non, dire non. des choses que... Mais genre... là, on s'entend, courbe, on parle pas genre nécessairement de courbe de graisse. Là. Non. J'étais genre là, on parle pas d'obésité non. pis tout ça. Là. Non. Puis on parle de vraies courbes, pas des courbes qui ont été rajoutées. Non, avoir des hanches et avoir une poitrine c'est naturelle. Ça. Quelque chose de naturel. Ben, c'est ça. Peut-être que la femme, la fille, passe moins de temps comme une maudite folle au gym, tu sais. Ça n'a pas rapport. Non, non. non. Là, on parle non, pas non, de non, poids c'est du ça. Tout. On parle de physionomie, là. Ouais, c'est ouais. squelettique. Ça, yeah. ça dit pas, mais je sais pas. Ben non, mais c'est sûr. Je pense parce c'est pas que... être genre super méga rachidique, hein, tu sais. Non, juste mais être normal. Ça n'a pas rapport ouais. avec le poids. Ça a rapport avec la physionomie ouais. et comment le bassin est formé, comment les os sont placés. C'est là. Un peu comme les épaules de gars. Tu sais, t'as des gars qui sont des petites épaules, t'as des gars qui sont des grosses épaules. Est-ce que c'est un signe d'intelligence? Ben là, faudrait faire une étude sur ça. Ouais, non, là, c'est ça, là. Je sais pas. Ouais. Certaines autruches vont tomber en amour avec des humains. Ils sont bien connes. Hey! Mais oui, mais ça fait pas des enfants forts. Ils t'ont rien fait, les autruches? Ouais. Oui, il y en a une qui a mangé ma casquette quand j'étais jeune. Oh, je lui en veux okay. encore. T'avais le droit de vengeance. Ouais. Ouais. Ouais. La masturbation féminine était souvent traitée en enlevant par chirurgie le clitoris au milieu des années 1800. C'était une grosse punition pour être touché. Ouais. Encore fallait-il le savoir? Oui, ben c'est sûr. Hein. Mais de toute façon, qui sort de chez eux? Ah, je viens de... À part moi! ne pas se chicaner dans une relation. Apparemment, selon une étude, ça représente un manque d'intérêt. Donc, les gens qui se soucient plus de l'un et de l'autre vont avoir tendance à plus se chicaner. Si tu te chicanes pas, c'est que tu t'en sac. Ah, ben c'est pas c'est fou. Bon, hein? Quand même, il y a un petit fond de vérité. Ouais. 41% des hommes disent avoir appris que le sexe existait de la part de leurs frères ou sœurs, alors que 45% ont appris ça de la pornographie. OK. Mmh. Ben, t'as comme la moitié qui ont un frère plus vieux, ouais, c'est l'autre moitié. C'est comme, ben, ils n'ont pas de frère, fait qu'ils ont la porn, tu sais. Mais c'est ça, j'ai aucun frère ou aucune sœur. T'as pris ça de la porn. Ben, je sais pas. Tu mènes trop loin, ce souvenir-là. C'est ça, pense-y, on va te mettre en transe le reste de l'émission. Regarde mon pendule. T'es pas bien, je suis à 3. Un homme hollandais a été père de plus de 82 enfants en 9 ans. Moins difficile qu'une femme à accoucher de 69 enfants. Mais non, c'est ça. Tu sais, le gars, lui, ça... C'est sans arrêt, là. Ouais. Il peut faire ça sans arrêt. Alors que la femme, le dernier, est tout simplement tombée. Elle a pas accouché. Non, là. C'est ça. Bon. Si on t'attrapait en train d'avoir des relations sexuelles dans un avion dans les années 60 et 70, les membres de l'équipage allaient souvent accueillir le couple avec du champagne après avoir terminé. Même les choses ont changé. Tellement. Je vois ça comme ça, je disais ça de même. À l'époque victorienne, l'âge légal de consentement dans 25 États était de seulement 10 ans. Tu pouvais consentir à 10 ans. Ouais, mais quand tu meurs à 35, dépêche-toi, tu sais. La vie relativement. Une nounou britannique de 30 ans c'était, oui, c'est une femme. Est morte en train de se faire plaisir et en train de regarder la porno. Son cœur n'a pas tenu le coup. C'est pas trop. Sûrement, t'étais vraiment stressé de faire prendre par les parents, peut-être. Les... Je sais pas si c'était trop bien. Trop capoté. Je sais pas si c'était super nanny. Super nanny. Une étude nous apprend que les hommes sont plus sexuellement attirés par les femmes qui ont de grosses pupilles. Des grosses pupilles. Les lions vont souvent s'accoupler 50 fois par jour, en fait 50 fois dans une seule journée. Souvent, les lions. Ouais, tant mieux. Qu'est-ce que la cacodémonomanie? Indice? Non. Démon. Ouais. C'est une condition mentale où une personne croit qu'elle a eu une relation sexuelle avec le diable. Oh boy. Le diable. Que diable. Le Kama Sutra, une liste de 30 types de baisers, dont le combat de la langue, Fighting of the Tongue. 30 sortes de baisers. C'est comme le sabre laser. Non, ben, tu sais, il faut. Mais t'as un peu de piquant. C'est quand t'embrasses le sable laser de l'autre. Ouais, c'est ça. Ça fait un drôle de bruit. Il y a au-dessus de 1000 termes reconnus de slang pour le mot varin. Varin. C'en est un parce que j'ai pas dit le mot. J'ai dit varin. C'est une sorte d'animal, on le sait. GoDaddy, le président, le CEO, le Chief Executive Officer de chez GoDaddy, a commencé. GoDaddy, c'est ceux qui hébergent les noms de domaine.com. OK, merci. Voilà. Donc, il a commencé en vendant des logiciels de la Bible. Ce qui est très, très loin, si vous avez vu les publicités de GoDaddy pour le Super Bowl, c'est toutes des filles à moitié nues. Gros changement quand même. Alors, en 2008, les Hollandais ont voté « Swaffelen » comme mot de l'année. « Swaffelen », ça veut dire frapper son engin masculin à répétition contre quelque chose ou quelqu'un. C'est en 2008. « Swaffelen ». Le mot de l'année. M'as-tu swafflé ça, moi? « Swaffelen ». C'est « Swaffelen ». C'est « Swaffé l'Allen » sur le « Swaffelen ». Sur le « Sofa » de Allen. La Vierge, la plus vieille du monde... Au-dessus de 100 ans. Fait que finalement... Elle va mourir comme ça, je pense. Elle devait être d'un sort certain. Ça doit. Ou elle était vraiment, vraiment laide. Oui. c'est les deux seules options que je vois. Elle n'avait pas de petit chiot, elle. Très, très sèche dans l'entrejambe, ça rentre. Les films côté 13 ans et plus, on doit avoir une utilisation du mot « fuck » par script. Ah! Une! Ça marche comme ça? Oh, deux fois qu'on passe à 16 ans. Oh, ben oui, ça monte d'un cran. Fait que finalement, ici, c'est 16 ans et plus. Ici, c'est Radio-Canada qu'on dit en ce moment. Ici. Encore comme. Okay, pour relâcher votre stress, le sommeil, la musique, le chocolat, la marijuana et le sexe. Tout en même temps. Tout en même temps. Voilà. Rock'n'roll. 9 milliards de condoms sont utilisés par année dans le monde. 9 milliards. 47% des hommes disent que l'intelligence d'une femme est ce qui l'allume le plus. Bon, pas le plus, mais ça l'allume beaucoup. 47%. Ouais. Pas le plus. Ouais. Les orgasmes peuvent être. Ça, je pense que j'ai déjà fait celui-là aussi. Mais les orgasmes peuvent être amenés en éternuant. Tu peux éternuer et avoir un orgasme. Ah, oh, hey, j'ai lu cette semaine que je pense que c'est 0,3% des femmes vont avoir un orgasme en accouchant. Hein? Que, ben, parce que, en tout cas, parce que ça libère des ocytocines, qui est la même hormone que pendant les relations sexuelles. Et que, en ayant découvert ça, il y a même des femmes maintenant qui iraient se stimuler. Les parties pendant l'accouchement pour essayer de calmer la douleur. Eh ben, wow. Ouais, rendu là, c'est un peu bizarre, là. On dirait que, tant qu'à ça, je vais leur dire droguez-moi. Ben, un petit peu de fun pour compenser pour la difficulté. Je sais pas. Ben, pas. C'est plein d'infirmiers, pis tout. Ben oui. Profite. Fait que t'as plein, ton imagination étant. Ouais. T'es déjà écartier, là. Ben. Tant qu'à ça. crime qu'on est vulgaire aujourd'hui, mais parlant de menstruation, J'en ai pas parlé. Dans ma tête, c'était masturbation. Mais le fait parle de menstruation. C'est pas le même mot, apparemment. Parlant de menstruation... Okay. Un peu fun que l'autre, là. C'est ça. Le doigt du milieu de la femme va devenir 10 fois plus sensible. Le doigt du milieu? Le doigt du milieu. Le majeur? Ouais. Ah... Apparemment, lors de la menstruation. Là, faut pas se mêler entre la menstruation et la menstruation. Ah, ok, là, j'étais tout mêlée. Oui, je sais, moi aussi, j'étais mêlée. Mais pendant la menstruation, ton majeur va devenir plus sensible. Donc, peut-être te servir de ce doigt-là pour faire de la masturbation. Bon, on se comprend là-dessus. C'était compliqué, ben, celle-là. Hein, pour oui. Une phrase de 3 mots, c'était compliqué. On estime qu'un homme sur 200 naît avec une tétine de plus. Une tétine? Mais c'est beaucoup. Oui, quand même. Et les gens, en moyenne, ont plus de relations sexuelles pendant le mois de juillet que n'importe quel autre mois de l'année. Ça s'en vient! Plus qu'un mois. Plus qu'un mois avant juillet. On va sortir le petit chronomètre. Décompteur. Le décompte. Ouais, c'est un décompteur. Ça existe-tu pour vrai? Je sais pas, hein? Ouais, l'affaire qui compte à l'envers. Là. Moi, j'ai un décanteur. Ouais. pour Kinky Sexy Time. C'était chaud. C'était chaud. Chaud. On va entendre la prochaine position qu'on va aller jouer. C'est la 10e du côté anglophone. Donc, allons l'entendre tout de suite à l'instant. Wait for the man, the fiddler. Ah, ça va jouer qu'à la page. Restez là parce que 16, ça devrait pas, on l'a. Yay! Enfin. Assemblage Rocky à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et Mathieu Plon et Gilles Goujon. Non, mais c'est vrai, j'ai cherché, puis il y a vraiment limite tous pour un, Gilles Goujon. Ah ouais, mais c'était pas le premier? Non, je pense pas. Ok, ben moi j'ai pas vu que c'est avec lui. Lui, c'est pas terrible. Pas terrible, mais c'était plus ça arrêterait. C'était la facture. Oui, c'est ça. Ouais, donc, meilleur, là. Trêve de choses qu'on disait en ronde qui avait aucun rapport. Pour continuer avec il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission environ. Et comme je l'ai promis, faut la faire. Donc allons-y rapidement avec quelques petits gadgets. Ben fun, ben rapidement. C'est Essay Smith, ça devrait répondre là. Yay! T'abuses un peu de ton yin. Non. Non, il est toujours parfait. Yay, c'est toujours ma parfait. Chronique préférée. Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. C'est la chronique des gadgets, des choses qu'on a envie de s'acheter. On va régler des problèmes de la vie tous les jours, en fait. Commençons avec le plus gros problème qu'on a tous, c'est de manger un hamburger, mais un peu comme un musicien jouerait de l'harmonica et pourrait jouer de la guitare en même temps. Mm-hmm. Il a besoin d'un appareil pour tenir son harmonica. Ben toi, si tu veux jouer à des jeux vidéo ou faire d'autres choses avec tes mains, tu fais ce que tu veux avec tes mains. Hey, ça, c'est bizarre faire ça en mangeant un hamburger. Ben, chacun ses fantasmes. Donc, vous voulez pouvoir tenir votre hamburger dans votre main, ailleurs que dans votre main, mais ça, c'est difficile dans votre bouche de le tenir là puis de le tourner puis de manger. T'sais. Donc, c'est un burger holder. C'est chez Burger King qu'on a donné ça à 50 fans de la marque à Puerto Rico pour célébrer le 50e anniversaire sur l'île de Burger King. Donc, pas l'île de Burger King, mais de Burger King sur l'île. Ah, OK. Ouais. Donc, c'est un affaire de plastique qui va par-dessus ton cou, pareil comme le truc d'harmonica, et puis ça tient ton hamburger. Ouais, mais je regarde ça, là, puis il y a comme une moitié qui est au complet dans le porte. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ouais, détail. Que de manger à moitié. Tire la langue, puis tu le pousses. C'est ça, avec la langue. Je sais pas. C'est quand, comme quand je fais mes petits shooters de Jello avec de la vodka. Ah, t'allais chercher au fond. Mais avec ta langue, ça, c'est super sexy. Moi, je te dirais, bourre, une fois que t'as fini avec la première moitié, tu l'enlèves, tu bourres le fond de frites. Tu mais non, dedans. Mais c'est ça, t'es obligé de prendre tes mains pour le manger finalement. Ça, ouais. Mais c'est mieux de prendre tes mains pour le virer de bord un petit peu que manger tout ton hamburger avec une main. Non. Je sais pas. Bref, c'est Burger King et on peut pas l'acheter de toute façon. Hey, je suis sûr qu'il y en a un sur eBay. Ouais, c'est clair. Hey, je vais voir. Ah, aussitôt que le gars l'a reçu, il l'a vendu sur eBay tout de suite. La publicité maintenant de Giovanni et Draft FCB à Sao Paulo au Brésil. C'est une publicité qui inclut, en fait, c'est une publicité dans un magazine. Donc une page publicitaire. Et c'est très, très mince. Et il y a un petit port USB pour charger ton téléphone cellulaire. Donc, tu peux amener ton magazine à la plage. C'est pour une ligne de produits pour la peau, là, pour le soleil. Nivea Sunline. Et puis, c'est dans un magazine brésilien, Vera Rio. Ben, quelle bonne idée. Tu peux rebrancher ton téléphone cellulaire comme ça, tu vas à la plage. Et tu peux continuer de vivre. Cool. Lire des livres, par exemple, sur ton téléphone. J'aime ça. J'aime bien gros ça. Malgré moi, quand je vais à la plage, je préfère y aller un peu plus. Je décroche un peu de la technologie. Là. C'est ce qu'il faut, mais en même temps, décrocher de la technologie, lire un livre sur ton téléphone cellulaire, c'est quasiment comme lire un livre dans la vraie vie. Donc, tu peux décrocher et lire, te divertir. Hey, je m'excuse, là, ben mais là. T'amènes pas ton téléphone cellulaire dans le sable. Ben là, fais non. Attention, là. Ben oui. On n'est pas tous tête en l'air comme toi. Ça, t'as-tu vu le nombre de fois que j'échappe mon cellulaire d'une journée? Oui, oui, et ça me fait peur à chaque fois. Non, ouais, mais j'ai pas un iPhone, il va tenir, lui. Ah, il tient très bien mon iPhone, j'ai échappé sur le béton en fin de semaine. Pour vrai? Du côté coq, là, de mon case. Ah ouais. Cockside, comme on dit. Et il a très bien survécu, l'écran est beau. Ben écoute, je suis contente pour toi. Merci. Ensuite, des sucons, des petits popsicles, lollipop, genre, popsicles, oui, popsicles, parce que je pense que si c'est fait avec ce que c'est fait avec, ça doit être pas mal froid. C'est des sucons à saveur de lait maternel, mais sans le lait maternel. Parce qu'il y a des mères qui, oui, font du lait maternel en popsicle et donnent ça à leurs enfants. Dans ce cas-ci, il y a des gens qui aiment le goût du lait maternel, mais ne veulent pas, évidemment, boire à même le sein, quasiment. Donc, c'est assez nouveau. Ben, en fait, pas si nouveau que ça. Ça a commencé à être vendu en 2011. C'était de la crème glacée. On avait déjà parlé, peu importe l'émission. À Londres, il y avait eu de la crème glacée au lait maternel. Ça avait été confisqué par les autorités. Maintenant, ils ont ramené l'idée, mais sans le lait maternel en tant que tel. Donc, ça va être vendu 4 popsicles pour 10$. C'est depuis cette semaine, en fait. Mais moi, ce que j'aime, c'est que dans l'article, c'est marqué, genre, finalement. C'est enfin sorti, tu sais. On attendait après ça. Hey, ça fait combien de mois que les gens dorment là, pour avoir les premiers? On file de... Incroyable. Les seins nus. Ensuite, une station de travail pour 21 500$ pour travailler sur son ordinateur, mais dans le plus grand confort. Wow. C'est comme une chaise. Je dirais que ça ressemble un petit peu à une chaise de dentiste. Donc, dans le sens que... Ben, ou quasiment une chaise dans un banc de voiture. Mais c'est que t'es penché par en arrière, t'as les jambes dans les airs et t'as une genre d'un morceau de métal courbé qui fait office de soutien pour tes deux moniteurs. Et t'as un portable sur une petite tablette. Donc, t'es vraiment, une fois que t'es assis, t'as l'ordinateur devant toi sur deux grosses TV, un portable à côté de toi ou un iPad. Tu peux t'évacher. C'est génial. Donc, je trouve ça malade. Ça, sincèrement, écœurant. On dirait que tu t'en vas dans l'espace avec ça. Là, on dirait un cockpit de vaisseau. Là. Ouais. Hey, wow, je me sentirais importante là-dedans. Pour seulement 21 000$, c'est pas si pire que ça. C'est le MWE Lab Emperor 1510LX. Ah, on va en avoir un chaque. Pour JP. Une dans le studio pour animer. Hein. Ouais, ça serait parfait. Allez, je peux-tu faire la console? Yeah! Je vais te le montrer. Prochain concept, ça c'est vraiment bien, c'est Coca-Cola, compagnie, petite compagnie underground, là, Coca-Cola. qui, avec son agence de publicité Ogilvy & Mather à Singapour, a eu cette merveilleuse idée-là. Tu sais, quand t'as une canette de liqueur, tu veux la partager avec quelqu'un, il faut qu'il se mette les lèvres dessus. Des fois, on n'aime pas ça, les licras, ou peut-être qu'on n'aime pas non plus se fendre les lèvres sur la même canette que l'autre d'avant. Bref, Coca-Cola, c'est une canette qui se twist au milieu. Et c'est littéralement, dans le fond, deux canettes mais imbriquées l'une dans l'autre. Donc, sur l'ensemble des deux canettes, t'as le logo qui s'inscrit au complet. Et quand tu dévisses et que tu enlèves, tu vois une canette Coca et une canette Cola. C'est cool. Là. Et indépendamment, le petit pish pour l'ouvrir. Bon, c'est une très, très bonne idée. C'est écologique. Très, ouais, pas, ouais. Ouais. Très pas écologique. Bon, j'aime beaucoup l'idée. Mais l'idée est bonne. Ouais. Mais c'est ça. Ensuite, c'est un bracelet intelligent qui permet aux docteurs de savoir s'ils ont lavé leurs mains correctement. L'hygiène, on sait, c'est très important, surtout dans un hôpital, dans l'industrie de la santé, etc. Donc, des fois, les docteurs peuvent ne pas se rappeler de laver leurs mains aussi fortement. Tu sais, il y a des instructions de laver dans les ongles, dans entre chaque doigt. Des fois, tu peux le faire à la va-vite et c'est pas bon. Mais donc, pour vrai, je pense que c'est comme un bon 5 minutes là, de frottage là, pour tout enlever. Avec un savon de couleur bizarre. Là, on a tous vu dans les émissions de télé d'hôpital comment leur savon est bizarre. Donc, c'est la compagnie Intelligent M. En fait, c'est le nom du bracelet. Ça fonctionne en lisant les tags RFID. Donc, ça, c'est les Rear Field Communication là, qui sont installés à la station de lavage de mains. Et ça regarde en effet combien de temps on passe à laver les mains. Ça vibre une fois quand la durée est correcte. Et si c'est trop court, ça va buzzer trois fois. Donc, ça va indiquer que les mains sont pas assez propres. Le bracelet qui est connecté par micro USB pour transférer les données du lavage de mains. Un genre de bulletin d'hygiène pour vraiment prouver. Tous les soirs, tu regardes ça. Tu punches. Ouais. T'as même tes prévisions pour le lendemain. Ouais. Demain, on prévoit que vous allez vous laver les mains trois fois. Mais pour vrai, je trouve ça le fun. Mais c'est un peu comme les tubes de porte à dents pour les enfants qui jouent une chanson. Oui. Puis, c'est pour dire à l'enfant, tu dois te brosser les dents pendant toute la chanson. Puis là, tu vas te brosser les dents assez longtemps. Très le fun. Ben et justement, parlant de lavage de mains, ceux qui aimeraient pouvoir se sécher les mains en même temps qu'ils les lavent. Hein, oui, mais on a une façon de régler ce problème-là. Un problème que tout le monde a, évidemment. Donc, on combine un lavabo avec de l'air en une seule étape. Ça s'appelle le Dry Hand. Et puis, c'est un design de Jiwei Zhang, Ming Kang He et Jackie Wang et d'autres. Là. Donc, Dry Hand, dans le fond, c'est littéralement un robinet où tu te laves les mains et quand t'arrêtes, ben, ça envoie de l'air chaud pour te sécher les mains. Mais c'est ça, c'est pas en une étape, c'est pas en même temps. Là. Tu laves les mains, après ça, tu tournes le robinet puis là, il sort de l'air chaud. Ouais, OK, en deux étapes, mais en une étape dans le sens que t'as pas besoin de bouger tes pieds de la place où tu es situé. Je m'excuse, dans la description, c'est écrit « two steps ». C'est écrit en deux étapes. Une étape de mouvement de mon corps. C'est deux étapes, faut que tu tournes le robinet, ça sèche pas en même temps. Ouais. Ça, tu y penses pas. C'est vraiment parce que je me suis dit, c'est le fun, tu sais, t'as pas à retoucher le lavabo après, tu sais, pour le refermer, mais non, finalement, ça sert à rien. Ben oui, il faut que tu tournes le fouet. Fait que finalement, tu t'arbores de toutes les bactéries. Ça aurait dû être deux robinets indépendants, un, mais attachés ensemble, puis que quand tu tasses ta main, ça va ça coupe l'eau, puis c'est l'air. Ouais, tout à fait. On a quelque chose. On y va, on va gagner un prix. C'est pas la pire invention de robinet que j'ai vue. Vous avez sûrement déjà vu ça dans des salles de bain. Là. T'as un robinet pour l'eau chaude puis un robinet pour l'eau froide. Ah oui. Je suis comme, allô, ils sont pas reliés. Je peux-tu avoir de l'eau tiède? Fait que là, tu veux te laver les mains, eau froide, eau chaude. Fait que finalement, tu te brûles, tu te gèles, puis t'as pas vraiment de satisfaction. T'as jamais vu ça? Non, jamais vu. C'est vraiment désagréable. Je te fais confiance. Le Dry Hand Faucet, donc, ça a gagné le prix 2013 IF Design Award. Ensuite, c'est juste n'importe quoi. C'est un chandelier à l'intérieur d'une ampoule. Donc, c'est vraiment une ampoule, mais qui est assez grosse pour être sur le plafond de ta cuisine. Donc, OK, c'est comme pendu dans les airs. C'est en forme d'ampoule et à l'intérieur, il y a un chandelier. C'est fauné. On s'en sait. Oui, c'est solide. T'as des vins à thématique de Star Trek. Donc, on s'en fout vraiment beaucoup. Non. Ben oui, assez pour que je ferme l'article. Et maudine, je vais retourner voir. Ensuite, t'as une bague. OK? C'est des objets sexuels féminins qui sont déguisés en bagues. Donc, ça a l'air juste d'une bague. C'est une collection d'anneaux de bagues qui s'appelle Ménage à 4. Et donc, c'est fait pour avoir l'air fancy, mais aussi pour stimuler les parties privées de la femme. Donc, quand même, très élégant, ça a l'air beau. T'as des petites billes, des petites boules, comment on appelle ça, des petites boules, bordant. Donc, facile à laver. Bon, ce serait bien trop compliqué, c'était difficile à laver. Donc, t'as des petites boules, t'as d'autres petits, des petits objets, là. Je vous les décrirai pas en détail, mais c'est fait pour se faire plaisir avec son doigt. Et c'est beau comme une bague aussi. Bon. Hein? Ben, c'est fio. Ouais, t'enlèves avant de sortir, puis t'espères pas croiser quelqu'un qui a la même bague que toi. Bah. Alors ça, c'est une lampe qui est faite un petit peu comme un sablier, mais avec, qui allume des lumières LED. Okay? Donc ça fonctionne avec le sable. C'est un peu comme un sablier. Comme tu viens de comme dire. Tu viens de dire. Comment t'appelles l'affaire qui a du sable dedans? Hein? Une plage. Une plage. Donc c'est ça, ça utilise l'énergie kinétique pour éclairer la pièce. Donc ce design par Daniel Troff, 4 pieds de haut environ. Et donc tu fais tourner la lampe et le sable va couler et ça va faire fonctionner la lumière LED. C'est le fun. C'est une petite lampe vintage maison. Mais ça veut-tu dire que tu peux pas l'éteindre jusqu'à ce que le sable soit complètement écoulé? Je pense que oui. Puis quand c'est fini, il faut que tu t'as pas juste leur virer de bord si tu veux plus de lumière. Donc ça te force à te lever. Donc ça peut être un avantage justement pour ceux qui se lèvent jamais dans la journée. T'sais. Mais c'est parce que quand tu vas te coucher, tu vas fermer les lumières pour j'attendre que le sable coule. Ouais. Toi, t'es habitué à faire clap clap pour fermer la lumière. Ah non. Clap. Ben oui, à mon chum. Ah oui, fermer les lumières. Clap clap. Tu sais qu'une gifle d'en face. Non, mais c'est très beau par contre. Oui, très très joli. Ensuite, ça c'est un gadget qui vous permet de frosté vos fenêtres sur demande. Donc c'est le Sunte Film. C'est un film protecteur UV qu'on applique sur ses fenêtres et qui fournit de la privacy, de la vie privée si on veut, lorsqu'on en a besoin. Donc ça passe de semi-opaque à transparent en appuyant sur un bouton ou avec une application sur un téléphone cellulaire. Donc lorsque du courant électrique est appliqué au film, sa transparence va changer. Lorsqu'on l'éteint, donc semi-opaque, seulement 5% de lumière est transmise. Et lorsqu'on l'allume, ça permet à 70% de la lumière de passer. Donc ça peut être utilisé comme dans la salle de bain ou comme dans n'importe quelle pièce. C'est très cool. Vraiment. J'adore ça. À la bibliothèque, là, au lieu de descendre les rideaux, là, oui. Il y a une petite salle de classe. Là. Ben oui, ça serait cool. Ça. Les restaurants, c'est parfait. Tamisé à la tamisation, à la tamisation. Exactement. Que tu veux. Wow. Le prochain est comme un thermos, mais c'est comme un verre à la place. C'est comme un verre thermos, si on veut. Donc, c'est Fan Wu qui a eu cette idée-là pour le Solar Glass. C'est de la vitre insulated. Je ne sais pas comment tu traduirais ça. Enfin, bref, c'est une structure similaire à un tuyau. Dans le fond, c'est comme un genre de coating. J'ai de la misère avec mes termes en anglais pour celui-là, mais c'est comme un genre de revêtement qui va absorber la chaleur du soleil et va garder la vitre très, très chaude pendant plusieurs, j'imagine, heures. Donc, ça a gagné, encore une fois, le IF Design Award en 2013 dans la catégorie concept. Et on sait pas quand ça va être produit encore, mais ça va être bon. Je trouve ça a l'air cool. Pour boire une boisson chaude, on s'en fait. Oui, c'est ça, exactement. Un genre de revêtement qui garde au chaud dans un verre. Ensuite, on va y aller avec... On va sauter par-dessus pas mal de choses, j'ai bien l'impression. Tiens, du sucre en granules, mais caféiné. Pourquoi pas? T'as du café, tu veux mettre du sucre dedans pour encore plus caféiner ton affaire parce que c'est de la caféine dans du sucre. Wow! C'est génial, c'est le Jacked Up Caffeinated Baking Sugar. C'est du sucre, en fait, c'est du sucre à pâtisserie. Donc, je sais pas si on peut mettre ça dans d'autres choses que des pâtisseries, Steph. Ben oui, c'est du sucre granulé, c'est du sucre en graines. Là. Good. Des graines de sucre. Des graines de sucre, ben ça va servir à barre de barre. Ensuite, c'est un truc, le N-Groove Snap. Pour ceux qui ont de la misère, qui n'ont pas de porte lecteur MP3 ou porte téléphone dans leur voiture et qui aimeraient en avoir, maintenant, ben, ce gadget-là utilise votre fente de lecteur CD. Okay? Oh. C'est un morceau de plastique, t'insères ça dans le lecteur CD et ça va devenir un rack pour ton téléphone, tu sais, parce que de toute façon, on ne sert plus du CD, on sort du lecteur MP3 dans la prise auxiliaire la plupart du temps. Mais si votre téléphone a une prise auxiliaire, peut-être que vous avez sûrement un porte quelque chose que vous n'avez pas besoin, tu sais. Hein? Si c'est une voiture qui est assez récente pour avoir une entrée auxiliaire, souvent tu vas avoir les portes vertes d'inclus et les portes, toutes les affaires pour pouvoir mettre ton téléphone dedans. Ah, oh, ben, par exemple. Faut une vieille voiture pour avoir des portes vertes, mettons. Non, mais mettons, dans l'auto à mon copain, ben lui, il a l'entrée auxiliaire parce que c'est une radio qui a été rajoutée, mais il y a pas rien pour le soutenir. Fait que là, moi, je serais contente d'avoir ça. Moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est, tu sais, moi, quand je rentre un CD, ça fait comme « Wow, il y a un CD! » Fait que là, il veut lire le CD. Là. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais je pourrais pas faire auxiliaire jamais. Ah, j'imagine que... T'as un CD! Non, sûrement que le CD doit être vu par le laser. Donc, s'il voit pas le CD, peut-être que le morceau placé va pas jusqu'au fond. Bonne question. Et on va terminer avec Domino's, la compagnie de le restaurant de pizza, en fait, qui va louer un DVD. C'est un DVD de film qui va sentir la pizza lorsque le film va être terminé. Ah. OK? C'est au Brésil, OK? Domino's a décidé de créer un partenariat avec une firme de publicité qui s'appelle Art Plan. Donc, ils ont recruté 10 magasins de location de DVD et ont remplacé les étiquettes sur des films populaires avec un disque activé par la chaleur. Donc, le disque ressemble à une pizza. Et quand tu le mets dans le lecteur DVD, aussitôt qu'il tourne, ça va libérer l'odeur de pizza qui est insérée dans le DVD. Et ça va donner envie de commander de la pizza. C'est pas génial, ça? Ouais, ouais, mais en tout cas, j'espère pour eux autres que tu vas pas la commander ailleurs, ta pizza. C'est un peu un échec non, mais marketing. Si à l'écran, ça dit Domino's, c'est la meilleure chose au monde. Appel 819. Là, il dit le numéro. Mais ça pourrait se faire assez bien pour moi, ça. Je pense que t'as pas besoin de l'odeur pour me convaincre. Là. Je la commanderai quand même, la pizza, mais... Ben non, mais tu sais, t'as pas faim. Puis là, tu rentres au cinéma, puis là, c'est comme tabarouette. Hey, j'en mangerais-tu du popcorn? On est très influençable, je crois. Je pense que oui. Et on est assez influençable pour se dire que c'est assez de gadget pour aujourd'hui parce que sinon, on va tout dépenser l'argent qu'on a. Puis, à un moment donné, il y a un fond à ça. Hein. Fait qu'on s'achète quoi aujourd'hui? Une pizza! Ouais! Juste après le musée. Donc, retrouvez les liens sur assemblagerequis.com pour la chronique, ça devrait pas, on l'a. Et c'est là-dessus que va se terminer notre belle émission d'Assemblage Requis pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Jean-Philippe. Ouais, merci à toi, Stéphanie. Hey, merci, Mathieu. Merci à Justine Renaud, Simon Fitzbé, Sylvain Sly, David Ferron, Véronique Mire, Marie-Laurence Saudette. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. À deux, on est pas pris. Voilà. Retrouvez notre programmation complète sur cif.ca. Restez à l'écoute pour Rock Révélé qui s'en vient dans quelques minutes avec Serge Nadeau les jeudis soirs à 18h. On repasse le samedi entre midi et 16h et les dimanches matin à partir de 10h. Assemblagerequis.com est notre site web. On se quitte avec le numéro 1 du côté anglophone. Qui est The Things I've Done de Groenland. Voilà. Passez une belle fin de semaine ou semaine. Bye! Bye! Bye! Bye. Bye. Bye.